8 octobre 2017. On attend ça avec plaisir et curiosité. Notre petit Spirou, dans un instant, on se retrouve avec toute l'équipe pour se dire au revoir et accueillir notre ami, le chanteur espagnol Julián Courbet. RTL Matin, laissez-vous tenter. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, un paquet de farine de blé et blé acheté, un paquet de farine de blé et blé offert. C'est de la super farine, ça. Bah évidemment, pour la cuisine, les gâteaux. Ah, les gâteaux. Gourmand. Ah bah, à ce prix-là, je veux. Du 27 septembre au 1er octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat d'un paquet de farine de blé et blé, cœur de blé d'un kilo, le deuxième est offert. Voir conditions dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Au fait, chérie, j'ai raflé la portière de ta voiture. Quoi? Ah, sinon, goûte-moi cette nouvelle tablette pure origine Équateur de chez Réauté Chocolat. Après tout, c'est qu'une portière, hein? Découvrez-vous aussi l'effet Réauté Chocolat avec une nouvelle gamme de tablettes à partir de 2,95€. Réauté Chocolat, fabricant chocolatier. Pour votre santé, bougez plus. Affligem, cuvée Florem. D'abord, contemplez sa robe lumineuse au reflet cuivré. Puis, appréciez le délicat parfum du bouquet floral d'Affligem. Enfin, savourez la finesse de ces arômes de fleurs de sureau subtilement épicés. C'est l'instant où se révèle la délicate harmonie d'Affligem cuvée Florem. Affligem, et si la bière se dégustait? Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ah, patron! Merci pour l'augmentation, mais j'aimerais bien un petit bonus en plus. Comment ça, non? Dites, vous savez qu'à la Mutuelle de Poitiers, ils m'offrent du bonus en plus? Eh oui, pour réduire le coût de votre assurance auto, Mutuelle de Poitiers Assurance vous offre du bonus en plus. Rendez-vous en agence ou sur mutuelledepoitiers.fr. Air Liquide lance son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Saisissez cette opportunité unique de vous associer à la croissance du leader mondial des gaz pour l'industrie et la santé. 8 droits préférentiels vous permettent de souscrire une action nouvelle au prix unitaire de 76€. Rendez-vous sur airliquide.com ou contactez le numéro gratuit 0800 166 179. Vous avez jusqu'au 28 septembre pour participer. Un prospectus visé par l'AMF est disponible sans frais auprès d'Air Liquide sur les sites internet d'Air Liquide et de l'AMF. L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque décrits dans le prospectus. On en parle. Les conseillers des points rénovation infoservice, mis en place par les pouvoirs publics, peuvent vous aider pour vos projets de rénovation énergétique. On en parle dans un instant. Volet, portail, comme il faut. Choisir une fenêtre comme il faut, c'est bénéficier d'un conseiller comme il faut, d'une visite à domicile comme il faut et d'une pose de qualité certifiée comme il faut. Et c'est aussi vrai pour les portes, portails, portes de garage, volets, stores et pergolas. Retrouvez vos 700 conseillers comme il faut sur commeilfaut.fr. Portes et fenêtres comme il faut. Carrefour. Franck, si tu passais à la foire au vin Carrefour pour découvrir la sélection de Paolo Basso, ça commence demain. Attends, Paolo Basso, le meilleur sommelier du monde 2013? Oui, et par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée, la deuxième est gratuite. Ah bah ça, c'est parfait pour ma cave. Dès demain, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée à 13,90€, la deuxième est gratuite, soit 6,95€ la bouteille. Château Grayssac 2014, Médoc Cru Bourgeois, 250 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Nous, on s'est congratulé, on se dit à demain, et on accueille le chanteur espagnol Julián Courbet. Ah oui, ça aurait été bien, ça. On a chanté la parisienne, l'alpatine et leur chapeau. Pourquoi vous dites que je suis un chanteur espagnol? Mais parce que je sais que vous avez une très jolie voix de c'est ténor. C'est vrai, j'ai beaucoup chanté dans les mariages. Vous venez de le prouver. Ben à chaque fois qu'il y a un mariage, on me demande de chanter une petite chanson. Ah. Et pour le vôtre, je suis prêt à venir pour 50€ et un repas chaud, sachez-le Yves, si jamais l'idée vous reprenez. Un repas chaud. Vous faites les communions aussi ou pas du tout? Mais combien d'accord. de fois? Mais qu'est-ce que vous croyez? Les bar mitzvahs. J'ai été invité dans des mariages pour faire le DJ où on me mettait à la table des enfants. Ça, c'est l'humiliation absolue parce que vous demandez quand même à pouvoir dîner. Bah oui. Puisque vous arrivez à 6h, on vous met à la table avec. Avec trois nuggets. Et exactement, avec des nuggets si vous voyez passer le foie gras, etc. Donc, du coup, après, vous vous vengez, vous mettez une mauvaise musique pour gâcher le mariage, mais c'est normal. Non, tant pis pour eux. Je vous prédis une toute autre carrière dans mais la chanson bien espagnole. Sûr. C'est très gentil. Bonne journée, mon Yves. Bonne journée. Il est 9h31, nous sommes en direct et mesdames et messieurs, voici l'émission la plus écoutée de France à cette heure-ci. Qui règle vos problèmes. Bien sûr, dans la bonne humeur, vous téléphonez, nous analysons, nous conseillons et nous réglons. Il y a... Il y a Pascal avec une histoire de cuisine assez extraordinaire. Voilà ce que Pascal nous a laissé sur le standard RTL. On a commandé une cuisine en juin. On l'a payé 4600 euros. On est en septembre, on n'est toujours pas terminé. Le vendeur met en cause le sous-traitant. Et nous, dans les soirs, on a des bouts de cuisine. Et il y aura une petite enquête signée Marie dans une seconde. Voici l'équipe qui va s'occuper de vous ce matin, mesdames et messieurs. Appelez-nous, il y a la Divina, la grande avocate Maître Fellonneau qui est là. Bonjour Nathalie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Double négociation, double efficacité. Hervé Pouchol, Bernard Sabat. Bonjour Julien. C'est votre radio préférée, la radio numéro 1 en France. Vous êtes sur RTL et vous y êtes bien. Passez une bonne journée. Pascal, j'explique juste avant de démarrer votre cas à nos auditeurs que tout de suite, ils peuvent gagner un MacBook Pro. Un MacBook Pro, oui, vous m'avez entendu, à gagner. Comment ? Au 3210, touche numéro 2. Ça, c'est pour arriver sur le standard jeu. Et ensuite, il faut répondre 1 ou 2. Voici la question. Quelle est la formule de jeu qui va changer à partir d'aujourd'hui, 27 septembre ? 1, le Pokémon, 2, l'euro-million. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, c'est une question difficile qui surprend tout le monde. C'est pour ça que je vous conseille de taper sur deux. Donc vous faites 32-10, touche numéro 2 et encore numéro 2 et ensuite vous envoyez par SMS RTL au 74-900. Allez, on s'occupe de Pascal en direct dans le 9h30-11h RTL. Pascal, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Pascal, vous nous appelez d'où ? Alors moi je vous appelle de Mardeuil, donc une commune en périphérie d'Épernay, pays de la Champagne. Bien, Pascal, 14 mai, votre femme commande une cuisine chez un grand magasin d'électroménager qu'elle a payé 4600 euros. Celle-ci devait être installée le 31 juin dernier. Problème, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est toujours pas finie d'être posée. En deux mots, Pascal, sans trop rentrer dans les détails, qu'est-ce qui manque ? Ce qui manque, c'est surtout les finitions, quoi. Ils sont venus avec les crédences, donc c'est les parois qui protègent les murs d'une cuisine. Donc celles-ci sont pas du tout bonnes mesures. Oui. On a acheté un robinet douchette, donc j'arrive même pas à atteindre la paroi opposée de l'évier. Donc on m'a juste dit, il faut juste soulever un peu le robinet pour rincer le côté opposé de l'évier. Un robinet douchette, parce que vous lavez dans la cuisine. Oui. D'accord, ok. Eh ben voilà, c'est tout, oui, je pose la question, il répond. Bien, les plaintes ne sont pas alignées, les portes sont mal réglées, et aujourd'hui, oui. Vous perdez patience. Un mot de Maître Fellonneau. Alors, il y a deux problèmes, Julien, dans ce dossier. Il y a visiblement des problèmes avec les meubles en eux-mêmes qui ne sont pas aux mesures, notamment le plan de travail, les crédences, etc. Donc, la pose est impossible. Et il y a également des problèmes de pose pur, ce sont des réglages, il manque des joints, et là on lui dit des choses bizarres parce qu'il ose aller regarder un joint, mais le joint il est sous la hotte, il dit mais pourquoi vous regardez s'il y a un joint ou pas sous la hotte, il dit écoutez un joint c'est partout quoi, hein. Voilà, on trouve pas ça normal, non le joint c'est que là où ça se voit. Donc il faut qu'on s'explique avec le magasin qui a vendu, je le rappelle, dans le bon de commande, non seulement les meubles, mais la pose, et c'est le magasin seul qui est responsable de ces poseurs. Marie, vous avez cherché à en savoir un petit peu plus, expliquez aux auditeurs d'RTL. Justement, comme dit Maître Fellonneau, c'est le magasin seul qui est responsable, mais apparemment le magasin seul n'est pas vraiment responsable. En tout cas, il ne prend pas la responsabilité de cette mauvaise installation car il renvoie directement Pascal et sa femme vers l'installateur. Je vous laisse écouter mon appel. Elle est en cours de SAV. J'ai mis au courant les poseurs la semaine dernière. Ils sont normalement dans l'état de reprendre les SAV puis de lui refaire. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on nous dit ça. Et puis il fallait qu'elle voie normalement directement avec les poseurs, c'est ça ? Voilà, c'est les poseurs qui vont fixer une date. Alors nous, on est un petit peu coincés. Moi, j'arrête pas de leur dire. Je leur ai bien dit qu'il fallait accélérer le pas et puis de vous appeler. Hein. Si vous n'êtes pas tout seul à avoir quelques SAV. Parce que tout est en magasin, ils n'ont plus qu'à venir les chercher. Hein. Bah oui, ils travaillent pour vous, donc je comprends. Bah oui, tout à fait. Hein, logiquement, ils doivent réagir. Ouais, logiquement. Logiquement, je dis bien. Logiquement, oui. Bah logiquement, il ne se passe rien, mais tout est au magasin, tout est sur place, donc il suffit juste d'aller le chercher. Alors, dernière question, Pascal, avant de lancer l'appel. Vous avez traité uniquement avec ce magasin. Vous n'avez pas traité d'un côté avec le magasin, puis avec un poseur, etc. Non, alors moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai bien fait un contrat avec But, on a signé avec But l'achat de la cuisine, et ensuite ils ont sous-traité donc à une entreprise d'accord. Donc c'est voilà. Il n'y a qu'un seul interlocuteur, Maître Fellonneau, c'est pas son problème s'il y a... La pose et la fourniture, c'est le magasin. Bon, vous êtes prêt Bernard ? Ah oui, prêt. Ce que je propose, mesdames et messieurs, c'est que l'on appelle But à Guingamp dans une seconde. Vous, pendant ce temps-là, vous nous posez évidemment toutes vos questions, vous n'hésitez pas, tous vos cas de cuisine, tous vos cas d'électroménager, on peut faire ça ce matin. Dans le 9h30-11h, tous les problèmes sont traités. A tout de suite pour l'appel au magasin 9h36. Bonne journée. RTL. j'en ai marre de notre salle de bain. Pff, et la cuisine. Si on changeait tout. Ouais, sauf qu'on n'a pas encore gagné au loto. Pas besoin, regarde ce que j'ai trouvé. Peinture rénovation de V33. Élu produit de l'année 2016. Sans sous-couche et sans décapage. Alors, prêt pour changer de décor en un coup de pinceau avec V33? Si la gamme de peinture rénovation V33 est élue produit de l'année 2016, c'est qu'elle l'a bien mérité. Chez Cogedim, nos mètres carrés sont si bien investis qu'ils prennent de la valeur. Il y a le mètre carré qui rend heureux. Le mètre carré que l'on n'oublie jamais. Papa. Le mètre carré un peu bruyant. Et surtout le mètre carré plein d'avenir. Oui, il faut se projeter un peu. Jusqu'au 20 octobre, chez Cogedim, nous vous offrons jusqu'à 3 mètres carrés pour donner encore plus de valeur à l'achat de votre appartement neuf. Vous verrez la différence. Cogedim. Plus d'informations sur mètrecarré-cogedim.com. Offre soumise à condition. Comment je fais pour avoir de beaux cheveux dans tous mes films? C'est un secret de star. Bon, ok, je vous le dis. Mon secret s'appelle Vitalitis. Vitalitis, toute une gamme de shampoings et de soins pour que vos cheveux soient toujours au top. Alors faites comme moi, demandez les produits Vitalitis à votre coiffeur. Silence plateau, s'il vous plaît. Vitalitis. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Le déclic, c'est ma maman, en fait, qui a démarré le régime Comme J'aime. Ma maman a perdu 10 kilos. Ce qui m'a plu, c'est que donc, les plats déjà sont tout prêts. J'ai plus qu'à le mettre au micro-ondes et en 2 minutes, je peux manger. De plus, on mange de tout. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme J'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 507 507. 0800 507 507. Condition de l'offre par téléphone, appel gratuit depuis un fixe. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune perte d'espace. Dès qu'on passe la porte, on arrive dans ce volume parfaitement pensé. Ah ouais, c'est super bien agencé. Hein. Et extrêmement modulable. Oh là là, c'est un coup de cœur. Et le prix? Écoutez, il vient juste de baisser. En septembre, pendant les journées technologie Nissan, la TVA est offerte sur toute la gamme Note. Remise 16,67% sur prix au 1er septembre, valable jusqu'au 30 septembre sur Nissan Note 9, dans la limite des stocks disponibles chez les concessionnaires participants. Nissan, innover autrement. Quand on est propriétaire de fenêtres, on cherche le meilleur prestataire de fenêtres. Et on trouve son bonheur sur terre de fenêtres. Prix fabricant, garantie 20 ans, pose certifiée. Pour ses portes, fenêtres, volets ou portails, forcément, on choisit la qualité Terre de Fenêtres. Terre de Fenêtres, le choix qui va de soi. Vous êtes artisan ou conjoint d'artisan? Du 1er au 14 octobre, vous élirez vos représentants à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Votez pour les candidats de l'UPA. Ils défendront à 100% les intérêts de votre entreprise. Retrouvez-nous sur upa.fr. L'artisanat, c'est nous. Votez UPA. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h avec le cas de Pascal. Sa cuisine qui n'est pas terminée, le magasin Grand Magasin. D'ailleurs, il a bien fait d'acheter dans cette chaîne de magasins parce que c'est toujours plus facile pour régler les problèmes. Qui lui dit, ah ben c'est à vous de voir éventuellement avec le poseur, etc. Nous, on peut pas faire avancer les choses. Il en a un petit peu marre. Ça date du 14 mai, l'histoire. Appel, Bernard, s'il vous plaît. C'est parti avec Sarah. On va appeler Épernay. On y va. Nous partons donc à Épernay où se trouve cette grande surface du meuble, noble surface du meuble, une belle enseigne. Une très belle enseigne. Vous allez voir une voix suave, lascive, va nous répondre. C'est Épernay, Delphine, bonjour. Vous l'avez dit. Allô, bonjour, Julien Courbet, l'appareil. J'espère que je ne vous dérange pas. Est-ce que je peux avoir un responsable? Je vous explique en deux mots. C'est concernant un service après-vente qui traîne un petit peu sur une cuisine achetée en mai et qui n'est pas tout à fait fini d'être posée parce qu'il y a eu des malfaçons. J'ai le nom du client, j'ai tout ce qu'il vous faut. D'accord, je vous demande un instant. Merci, madame. Vous avez vu comme j'avais le nez? Je savais que quelqu'un nous répond, donc la dame est toujours en ligne apparemment. Voilà, on parle à ses collègues évidemment, ça c'est normal, c'est la moindre des choses de dire, vous savez pas les filles qui sont en ligne. Ben oui, donc une fois que l'une aura dit c'est vrai, je te jure, non, arrête, si, bon, dis, si, je te jure, et après là, on ira chercher quelqu'un à ce moment-là, mais c'est comme ça, on le sait de toute façon. Mais il y a toujours cette petite phase qui dure une minute, où on ne sait pas vraiment si c'est une blague encore ou pas. Et où donc c'est très souriant, très... Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est vrai. Oui, allô? Et là, Robert arrive, en général. Ah, allô? Non, là, elle cherche toujours. Oui? Là où je suis très inquiet, c'est qu'il n'y a pas d'attente musicale. Mais non, puisqu'on a posé quelqu'un. Le combiné. Ah oui, elle a posé le combiné. Bah oui, elle ne va pas chanter non plus. Allô? Je sais pas ce qu'elle fait avec le téléphone. Mais prendre le combiné. Mais je pense qu'elle envoie le combiné. Peut-être effectivement qu'ils ont une formation dans le rugby. Et ils se le passent comme ça. C'est quand comme les joueurs de rugby se font des passes. Et attention, ça démarre. Il démarre sur la gauche. Il donne en retrait. Bien joué. Il tape à suivre avec le téléphone. Regroupement. Regroupement au milieu du rayon canapé. La mêlée sort le demi de mêlée. Trouve le téléphone sur la gauche là-bas. Il et vous avez maintenant une sorte de match de rugby qui démarre avec un téléphone. Oui, allô. Ah bonjour. De nouveau, Julien Courbet en direct sur RTL. C'est vous que j'ai eu tout à l'heure ? Non, pas du tout. Ah, c'est une nouvelle personne. Bonjour madame, donc Julien Courbet, Pascal Le Bruyant a acheté chez vous, il a bien fait une belle cuisine. Et le problème, c'est qu'il galère depuis mai parce qu'il y a eu beaucoup de malfaçons, des crédences trop courtes, des robinets, etc. Et aujourd'hui, on lui dit, bah oui, mais on n'a pas de poseur pour venir. Et lui, il dit, moi j'ai payé le 14 mai, j'aimerais bien avoir ma cuisine, ce qui me paraît un petit peu logique. Tout à fait, avec Monsieur Bouillon, on a rencontré plusieurs problèmes sur sa pose. Effectivement, tout ce qui est pose est sous-traité. C'est une entreprise à part de la nôtre qui effectue également tout ce qui est service après-vente quand il y a des problèmes de pose. Donc, c'est un dossier qui est en cours. Madame Bouillon le sait effectivement, puisqu'on l'a régulièrement en magasin. Il le sait, mais si vous voulez, le fait de lui dire monsieur, on est sur le coup, ça lui rend pas une cuisine. Lui, si vous voulez, ça fait trois mois, madame. Rendez compte, il a acheté ça le 14 000, il a donné un chèque. Ou alors, si vous ne pouvez pas, moi, ce que je trouverais logique dans ces cas-là, c'est qu'on lui dise monsieur, comme on n'a pas pu vous offrir le service pour lequel vous avez payé, on va vous redonner, je sais pas, la moitié de votre argent, enfin, qu'il y ait une compensation. Sauf que là, il achète, il fait un chèque, il n'a pas la cuisine, on lui dit on s'en occupe. Heureusement qu'on s'en occupe, ça, de toute façon, madame, je n'en doute pas. Mais lui, il a toujours pas de cuisine. Par contre, vous avez l'argent. Donc c'est là où il faut une petite compensation. Maître Felonneau. Oui, effectivement. Bon, le contrat n'est pas honoré. On ne va pas vous le répéter 20 fois. Je pense que si vous avez un prestataire défaillant, vous avez, vous seul, le pouvoir d'en tirer les conséquences. Ils ne sont pas les seuls poseurs au monde. C'est à vous de trouver quelqu'un d'autre. Moi, je suis désolée. Cette cuisine devait être posée le 31 juin. Alors, les poseurs ont fait, avec des matériaux mauvaise découpe, ils ont fait des poses provisoires pour que la cuisine soit quand même utilisable. Enfin, c'est un peu du camping amélioré. C'est pas bien. Donc, madame, il faut qu'on trouve une solution, qu'on lui rembourse peut-être sa cuisine dans ces cas-là, ou qu'on lui rembourse une partie, mais qu'il ait une compensation. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que les poseurs ont abîmé des meubles et forcément, le temps de la nouvelle commande des meubles et de la réception de ces nouveaux meubles, il se passe un certain temps. C'est tombé pendant la période estivale, donc fermeture de certaines usines, fermeture de la société de pose. Oui. Donc tout ça s'est enchaîné un petit peu, je dirais... Mais madame, il n'y a aucun souci là-dessus, ça il peut le comprendre. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que lui, il a payé plein pot pour un service qui doit être impeccable, il n'a pas le service impeccable, il n'a aucune compensation. Si vous lui dites, écoutez monsieur, comme il y a eu les vacances et qu'on a cassé les meubles et que vous n'avez toujours pas votre cuisine au bout de trois mois, parce qu'on est bien d'accord madame, que si lui, il vous avait dit, madame, le billet avec lequel je dois payer la cuisine a été déchiré par mon fils par inadvertance, il ne serait pas parti avec la cuisine. Vous ne donnez le matériel, vous ne livrez que quand vous avez tout encaissé. Ben, lui, il dit, maintenant que vous avez tout encaissé, je veux ma cuisine. Donc il faut que vous arriviez à trouver une solution avec lui. Que vous ne puissiez... Vous n'avez pas une baguette magique pour fabriquer, je comprends. Mais dans ces cas-là, on lui dit, ben voilà, t'as 20% pour le coup, tant pis pour nous. Alors, enfin, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est que Monsieur Bruyant est quand même assez... Il est là, il vous écoute. Oui, je sais bien, enfin j'en doute pas, mais Monsieur Bruyant est quand même venu plusieurs fois en magasin. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne soit pas revenu nous voir pour ce problème-là et qu'il passe par vous, parce que... Enfin, demandons-lui, vous avez entièrement raison de poser la question, madame. Et encore une fois, madame, vous n'y êtes pour rien, je comprends. On aurait fixé un rendez-vous entre lui, nous et la société de pose pour essayer de régler ça au plus vite. Pascal. Je pense que voilà, monsieur Bruyant. Bah, il va vous dire, madame, on va lui demander, on va gagner un temps fou. Pascal, pourquoi êtes-vous passé par RTL ? Eh ben, tout simplement parce que déjà, je suis déjà venu plusieurs fois au magasin et donc à chaque fois qu'il y avait un souci, on me donnait un post-it avec le numéro du sous-traitant qui faisait la pose. Ça, madame, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Parce qu'on va prendre point par point que quand il vient, est-ce que c'est au client d'appeler le poseur et de prendre un rendez-vous et d'avoir un petit post-it pour l'appeler ? Après, c'est la procédure la plus simple parce que sinon, ça fait un intermédiaire. Donc, en plus, le fait de savoir, de connaître après les disponibilités de Monsieur Bruyant qui se cale avec les disponibilités de la société de sous-traitance, pour nous, c'est le moyen le plus simple. Bon, mais en tout cas, madame. Si Monsieur Bruyant n'avait pas voulu appeler la société, il aurait dû nous le signaler. Mais là, je suppose qu'il l'a appelé parce qu'elle vous l'avait appelé, la société ? Ah oui, on l'avait déjà appelé, puisque quand ils sont venus, alors déjà, on avait eu du mal à avoir la table de cuisson, donc quand on est rentré de congé. C'est nous qui l'avons appelé pour fixer un rendez-vous, parce que sinon, la plaque de cuisson, on attendrait toujours. Hein. Ça faisait quand même 15 jours qu'on faisait du camping, donc au bout d'un moment, ma femme perdait un peu d'imagination pour faire à manger pour les enfants. Ah. Et donc après, en venant de congé, j'ai téléphoné au magasin But, je me suis même déplacé une fois en disant « bon, j'aimerais bien un peu que ça avance ». On m'a répondu « aussitôt que la personne du magasin qui s'occupe de vous pour la cuisine, elle vous rappellera dès qu'elle rentre de congé bon. ». Pascal, à mon avis, elle a dû perdre mon numéro de téléphone. Ce que je vous propose, madame, je pense qu'à votre niveau, est-ce que vous pouvez me passer le directeur du magasin, s'il vous plaît? On est à quel magasin, là? C'est moi, monsieur. Ah, vous êtes la directrice du magasin? D'accord. Ah oui, alors effectivement, oui, on a un problème, alors. Parce que vous, madame, vous trouvez ça normal? Vous n'avez rien à lui proposer de concret, là, maintenant. Donc, depuis le mois de mai, qu'est-ce que vous avez à dire aux 1 million de personnes qui nous écoutent? Comment vous réglez le problème ce matin? Que monsieur Bruyant nous dise ses disponibilités. On va prendre un rendez-vous avec la société de pose de cuisine pour régler les dégâts qu'ils ont faits sur la cuisine, sur les meubles. D'accord. Donc, vous pensez que tout ça n'a pas été fait avant? Je pense qu'effectivement, entre la disponibilité des meubles, se caler un rendez-vous avec la société... Donc vous avez les meubles, ils sont prêts, ça y est. Ils peuvent venir lui poser. Alors là, je ne vais pas vous dire oui parce que... Voilà, j'ai pas... donc ça sert à rien de prendre un rendez-vous si vous ne savez même pas, madame, excusez-moi. Je peux vous raconter des salades et vous dire qu'on prend un rendez-vous et que je n'ai pas contrôlé que les meubles soient là. Alors contrôlez, madame, contrôlez s'il y a des meubles dans l'entrepôt But, et puis après, si vous avez les meubles, on prendra un rendez-vous à ce moment-là. Alors, on fait comme ça? Alors, vous contrôlez, vous me le dites, on revient dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. À tout de suite, oui. Que M. Bruyant revienne vers nous, je vais pas... Mais on est en ligne, là, madame. Madame, là, on est en ligne, vous, je suppose que la satisfaction du client, c'est votre seule priorité. Il est là, il attend depuis mai, il en peut plus. On essaie de prendre un rendez-vous, on règle le problème en 2 minutes. Prenez au moins 2 minutes de votre temps pour aller voir si vous avez le mobilier en magasin. Revenir vers le magasin, je suis déjà revenu plusieurs fois. Hein. C'est des gens qui sont charmants, le magasin. Le problème, c'est qu'à chaque fois... Pascal, ne parlons pas pour rien dire. Madame, vous voulez bien aller voir s'il y a le stock en magasin? Écoutez, je vais faire le point sur mon stock. Je vais faire le point avec la cuisiniste qui s'est occupée de M. Bruyant. Je vais recontacter la société de pose. D'accord. Et je reviendrai vers M. Bruyant. Bon, et nous appelons le siège de But France, okay, s'il vous plaît, pour faire avancer les choses, pour que ça aille plus vite. Merci, madame. Merci beaucoup. Faites ce que vous pouvez. On va essayer de faire différemment pour que ça soit réglé aujourd'hui. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Vraiment, un dernier mot, Maître Félonneau, une règle d'or après la pub. Oui, moi, même si c'est fait de façon très polie, de façon très charmante et courtoise, qui est bien la moindre des choses, il n'y a pas rien, enfin il n'y a pas un reproche sérieux à adresser à ce client. Bien sûr. Donc ce n'est pas la peine de chercher, c'est au magasin de régler ses comptes avec son poseur, avec ses fabricants. Effectivement, maintenant ça fait 3 mois que ça dure et j'espère bien que cette dame, avec son grand sourire, y mettra fin. Dans quelques instants, nous allons appeler le siège. Bernard est en train de préparer le numéro. Il y aura peut-être une règle d'or de Maître Félonneau. Nous allons attaquer un deuxième cas et je vous rappelle qu'actuellement, vous gagnez un MacBook Pro pour vous remercier d'avoir fait du 9h30-11h l'émission la plus écoutée de France. À cette heure-ci, quasiment le double de ses adversaires. On va pas reposer la question. 32-10, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu. Puis vous faites ensuite numéro 2 pour bien répondre une nouvelle fois au SMS RTL au 74-900. Eh bien, à tout de suite sur l'antenne d'RTL, il est 10h-10, bon mardi. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. C'est parti! C'est les 4 semaines les moins chères de France chez Intermarché. Tentez de gagner votre voyage de rêve d'une valeur de 10 000 euros à composer vous-même et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse 2 fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com jusqu'au 23 octobre. Bonjour, c'est Bernard de la Villardière. Dans Dossier Tabou sur M6, j'enquête pour vous sur la place de l'islam en France. Qui sont ces dirigeants? Que veulent-ils vraiment? Dans Dossier Tabou, je vais sur le terrain pour trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Dossier Tabou, Islam en France, la République en échec, présenté par Bernard de la Villardière, demain à 21h sur M6. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Bon Nadia, je file, j'ai 5 interventions à faire ce matin. Ah non, 6. Monsieur Dubois vient d'appeler pour une fuite à réparer. Désolé. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Trafic est à 189 euros par mois sans apport. Tout est inclus, entretien, garantie, assistance. Loyer, taxe, crédit bail, maintenance, 60 mois, 80 000 km pour trafic fourgon. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa. Voir Renault.fr. Volet, portail, comme il faut. Choisir une fenêtre comme il faut, c'est bénéficier d'un conseiller comme il faut, d'une visite à domicile comme il faut et d'une pose de qualité certifiée comme il faut. Et c'est aussi vrai pour les portes, portails, portes de garage, volets, stores et pergolas. Retrouvez vos 700 conseillers comme il faut sur commeilfaut.fr. Portes et fenêtres comme il faut. Être malade, ça tombe toujours mal, surtout lorsqu'on n'a pas trop les moyens. Heureusement, quand votre budget est en mauvaise santé, l'ACS peut vous aider. Avec l'ACS, vous n'avez pas d'avance de frais chez les professionnels de santé, ni de dépassement d'honoraires chez le médecin. Vous êtes aussi aidé pour payer une mutuelle ou une complémentaire santé et vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l'électricité et le gaz. Comme ça, vous êtes soigné et votre budget aussi va mieux. Renseignez-vous sur l'ACS au 0800 971 391, service et appel gratuit, ou sur amélie.fr. L'assurance maladie. Jacques loue un studio tout aménagé, quartier agréable. Il est au premier rang, il assiste à une pièce de théâtre. Jordan cherche à louer un studio tout aménagé, quartier agréable. Il est en stage, il fait des photocopies. Si la vie ne peut pas vous aider à vous rencontrer, Orpi le fait. Orpi, plus de 100 000 rencontres immobilières réussies chaque année. Jiffy, des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit, tu joues, tu gagnes et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy, des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. En ce qui concerne le siège de but, où en est-on ? Bernard Sabat, s'il vous plaît, sur RTL en direct. Bah écoutez, là, je suis au siège et évidemment, on me dit carrément qu'on ne peut pas me passer quelqu'un de la direction au niveau de but franche. Voilà, mais les bras vont tomber, je vous promets. Bah on va re-rappeler en direct dans quelques instants. Bah on va vous appeler en direct, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous rendez compte de la cuisine, désolé. Pascal ? Elle nous met dans un drôle de pétrin, mais nous allons aller jusqu'au bout, car dans cette émission, nous ne lâchons rien. Laissez-nous reprendre des forces avec ce tube interplanétaire que je vous dédie à tous, auditeurs d'RTL, en vous souhaitant une super journée. We'll be right back. incroyable qu'on écoute cette chanson ce matin, puisqu'elle est hier avec Maître Felono. Nous étions ensemble pour l'anniversaire de ma belle-maman qui avait 80 ans, et elle nous a fait du table dance là-dessus, dis donc. Je vous assure, sur cette chanson-là, c'est fou, elle passe là ce matin. Ah oui. Oui, oui, j'ai bien compris. Nous allons me donner la parole une seconde à Bernard Sabat, le cas de la cuisine. Alors là, franchement, je ne comprends pas que ça prenne autant de temps. Je suis le premier à dire et à redire, passer par les grands magasins, par les grandes marques, il peut y avoir des couacs partout, mais avec eux, ça va vite. Or là, le magasin, ils ont semblé dire, écoutez, on fait ce qu'on peut, pour l'instant, on peut pas grand-chose. Et là, maintenant, du côté du siège, tout à l'heure, on ne vous répondait pas. Ah ben là, maintenant, on me répond, Julien, la dame qui est charmante, me dit, écoutez, j'ai des directives très claires. Malgré tous les noms que vous m'avez cités avec le Hervé Pouchol, malheureusement, ça ne sert à rien. On ne converse que par mail, pas par téléphone, et il n'y a personne de la direction. Interpellons voilà. Le grand patron. Mais oui, voilà. Merci, allons-y. Vous le connaissez, Hervé Pouchol? Je le connais pas vraiment, mais il s'appelle Franck Massène, et je viens de lui envoyer un petit message. Voilà. Donc j'espère Monsieur que Franck Massène, je suis le premier à dire sur l'antenne d'RTL, client, auditeur, rentrer dans des marques comme celles, comme But, qui sont des grandes marques. Mais là, il y a un vrai problème avec une cuisine achetée en mai, où il y a beaucoup de malfaçons. Il manquerait des pièces. Quand nous appelons le magasin, Monsieur Franck Massène, il semble nous dire, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Il a qu'à venir prendre rendez-vous. Et je lui dis, vous avez les meubles en stock. Il nous dit, la dame me dit, j'en sais rien, mais je ne vous le dirai pas. On appelle le siège, on nous dit, on ne discute pas avec vous que par mail. Donc, Monsieur Franck Massène, je lance maintenant. Et je ne le fait que dans les grandes occasions, le Franck Massène-ton. Monsieur Franck Massène, saurez-vous, ce PDG providentiel qui montrera que la satisfaction du client est... Tiens, j'en bafouille en plus. Je suis tellement ému par cette cuisine. Que la satisfaction du client est votre seule priorité. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Monsieur Franck Massène, permettez-moi d'insister, mais nous allons lancer un Franck Massène-ton maintenant. Car But, je suis tellement fier de cette marque que j'ai envie... Que la France entière sache que j'avais raison de leur faire confiance. RTL. On en parle. Les pouvoirs publics ont mis en place un réseau de conseillers, Rénovation Infoservice, pour aider les particuliers qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique. Aline, vous en avez bénéficié? Oui, j'habite près de Lyon, dans un immeuble des années 60, de 150 logements. Et l'année dernière, la copropriété a voté des travaux d'économie d'énergie. Donc il y avait l'isolation des murs par l'extérieur et de la toiture, le changement des fenêtres, la ventilation. Wow, ça fait une grosse facture, j'imagine, non? Oui, oui. Et du coup, quand on a commencé à parler de travaux, je suis allée voir un conseiller dans un point rénovation infoservice et il m'a présenté toutes les aides collectives et individuelles dont je pouvais bénéficier. Et il m'a expliqué que dès la première année, je pourrais faire jusqu'à 40% d'économie sur ma facture de chauffage. Et comment vous l'avez contacté? J'ai trouvé les coordonnées du conseiller le plus proche sur le site Rénovation Infoservice. Merci. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice près de chez vous sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou au 0808 800 700. Service gratuit plus prix de l'appel. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Jean, il y a quelqu'un dans le salon qui change les fenêtres avec une couronne sur la tête. C'est le roi de la fenêtre.fr, chérie. Hein? Tu choisis tes ouvertures sur le roi de la fenêtre.fr et il se déplace même pour les poser. D'accord, le roi de la fenêtre assure la pose et toi, tu fais une pose dans ton fauteuil. Royal, quoi. Jusqu'au 31 octobre, le vitrage à isolation phonique est offert et bénéficiez de 30% de crédit d'impôt. Eh ouais. Où va le monde? Quel est le sens de la vie? L'œuf ou la poule? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C1 Live à partir de 8690 euros avec ses 3,46 m, aide au démarrage en pente et feu diurne à LED. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais barbe ou moustache? Citroën. Offre sous condition de prise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre. Détails sur carstore.citroën.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous lançons donc le buteton, nous attendons que ça réponde. Un deuxième cas va être lancé juste après les infos. Et un petit coucou à mes amis bretons, puisque la toute dernière date du one-man show actuel sera jouée à Argentré-du-Plessis. J'y serai le 15 octobre, mes amis, à Allée-du-Plessis-Sévigné, à Argentré-du-Plessis, pour la toute dernière, avant d'en attaquer un nouveau au mois de janvier, samedi 15 octobre. Bon, mes amis, on a du pain sur la planche, on se retrousse les manches, on se motive, on est heureux, on est sur RTL. What's the sense in sharing this one and only life? Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. L'affaire de la chemise arrachée du DRH d'Air France devant la justice. Le procès de 15 salariés de la compagnie aérienne s'est ouvert il y a moins d'une heure maintenant devant le tribunal de Bobigny dans une salle d'audience archi-comble. 10 des prévenus sont poursuivis pour dégradation et 5 autres pour violence. L'intersyndicale d'Air France a appelé à une grève aujourd'hui et une manifestation aux abords du tribunal. La CGT, qui compte plusieurs membres parmi les prévenus jugés aujourd'hui, veut transformer cette journée en tribune pour les libertés syndicales. Les salariés d'Alstom sont en grève et plusieurs centaines d'entre eux sont venus jusqu'en région parisienne ce matin pour manifester devant le siège du groupe à Saint-Ouen. Début de la manifestation dans une heure. Il s'agit de défendre l'usine d'Alstom à Belfort, mais pas seulement. C'est toute la situation du groupe qui inquiète les syndicats. En comité d'entreprise, ils ont voté pour un droit d'alerte économique et ils demandent une expertise. Le patron des patrons, Pierre Gattaz, invité ce matin d'RTL, appelle le gouvernement à renoncer à la mise en œuvre dès 2018 du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Le président du MEDEF estime que la réforme sera une catastrophe pour les entreprises parce que, dit-il, c'est beaucoup trop compliqué. La réforme prévoit que l'impôt sur le revenu soit collecté au moment du versement du salaire sur la base d'un taux transmis aux entreprises par le fisc. C'est quelque chose qui est intéressant, dit Pierre Gattaz, mais pas en un an, pas tout de suite et pas à un moment où l'économie française est en convalescence, conclut-il. Dans l'affaire de l'incendie mortel du bar Le Cuba Libre à Rouen au mois d'août, pour la première fois, les familles des 14 victimes sont reçues ce matin par les deux juges d'instruction en charge de l'enquête. C'est ce que nous indique Frédéric Veil en Normandie pour RTL. Cette rencontre intervient après la mise en examen il y a une dizaine de jours du gérant de l'établissement et de son frère. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire et blessures involontaires par violation délibérée d'une obligation de sécurité. Dans l'actualité du jour, il y a aussi les gardes à vue toujours en cours pour l'ex-patron du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, et l'ancien chef de la police judiciaire parisienne, Christian Flèche. Une enquête est ouverte pour trafic d'influence, violation du secret et compromission du secret défense. Les deux ex-grands flics ont aujourd'hui quitté la police nationale pour travailler dans le privé. Bernard Squarcini est notamment un proche de Nicolas Sarkozy. Pendant 90 minutes, Hillary Clinton et Donald Trump se sont affrontés cette nuit dans le premier débat télévisé de la campagne présidentielle américaine. Les deux candidats se sont rendus coup pour coup et un sondage de fin d'émission donne la démocrate Clinton gagnante de ce premier combat face au républicain Trump. Il y aura deux autres débats avant le vote. La Bourse de Paris s'est relancée ce matin, ouverture en hausse de 0,64%. Et la tendance est désormais à la légère hausse. Le CAC 40 tourne autour de 4 418 points. La météo, une perturbation très nuageuse mais faiblement pluvieuse concernera toute la journée l'extrême ouest de la France. Des nuages et quelques averses aussi à l'autre extrémité, à l'est de l'Alsace aux Alpes avec localement quelques coups de tonnerre. Et entre ces deux zones, eh bien, il fait beau, vous aurez de belles apparitions du soleil. Pour les températures, on attend cet après-midi 20 degrés à Brest et Cherbourg, 21 à Strasbourg, 22 à Lille et Paris, 23 à Lyon, 24 à Bordeaux, 25 à Toulouse et jusqu'à 27 à Marseille. Les courses à Enghien, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet, il vous conseille de jouer le 11, le 12, le 6, le 2, l'As, le 10, le 7 et le 14. Le 14, c'est la dernière minute de Bernard Glace. Il est 10h04 et vous êtes sur RTL, bien sûr, avec Julien Courbet. À tout à l'heure, 11h pour d'autres infos, Marie. Effectivement, nous sommes en direct, c'est l'émission 9h30-11h, celle qui règle vos problèmes dans la bonne humeur, avec un cas qui nous donne un peu de fil à retordre, puisqu'il s'agit d'une cuisine payée le 14 mai dans une enseigne que nous adorons, une noble enseigne. Et le problème, c'est que justement aujourd'hui, au moment où je vous parle, en ce 27 septembre, la cuisine est très loin d'être terminée. Crédence trop courte, robinet douchette trop court, plainte non alignée, porte mal réglée. La directrice du magasin sur place de Butte-Épernay semble nous dire, écoutez, on est sur le coup, mais je dis à cette dame, ça suffit plus d'être sur le coup. Maintenant, il faut trouver une solution aujourd'hui. Soit vous lui dites, on peut pas vous le régler, je vous rembourse. Ou vous lui dites, monsieur va avoir 20% de réduction. Mais non, on va venir l'installer, mais le poseur, il faut qu'il l'appelle lui-même. Ça, vous ne le supportez pas, maître Félono, je le vois bien. Non, je ne supporte pas, j'ai une petite règle d'or. Si vous le permettez. Eh bien, faites-la tout de suite. C'est comme ça, on s'en débarrasse une fois pour toutes. Oui, parce que vous venez chaque matin avec et à chaque fois, j'ai jamais le temps de la placer. La règle d'or sur RTL. Allez-y. Ne soyez pas trop patient avec votre prestataire de service. Si vous voyez que quelque chose bloque, prenez votre plume, lettre recommandée avec accusé de réception. Messieurs, je vous mets en demeure de terminer le chantier que j'ai commandé et que j'ai payé. C'est l'article 1134 et suivant du code civil. Et vous rappelez l'article 1147 qui dit « Je suis susceptible de vous demander des dommages et intérêts ». Parce qu'effectivement, lorsque Julien demande aujourd'hui une ristourne ou un geste, ce n'est pas de la charité qu'il fait, c'est une demande qui est tout à fait légale. Et bien sûr. Il est en tort, ce donc, prestataire. Il est toujours en ligne, on va lui prouver que nous, on ne lâche rien. Est-ce que monsieur Pascal Bruyant est toujours en ligne ? Oui, tout à fait, je vous écoute. Hein, on va pas lâcher, parce qu'après tout, mince, vous n'êtes pas n'importe qui. Hein. J'ai perdu la tête, ma femme ne fait plus de paupiettes, j'ai plus de cuisine. Alors voyez, on va vous aider. Donc on a appelé le siège, et vous Bernard, vous tombez sur quelqu'un au siège, je dis bien au grand siège, ouais, qui dit, non, on parle pas, il faut envoyer un mail. Alors. Exactement, les directives sont claires, on ne parle pas, et si les gens ont des problèmes, il faut qu'ils nous écrivent. Alors on a interpellé le grand patron, un homme remarquable qui a fait de cette enseigne le fleuron du meuble français, Monsieur Frank Maassen, mais là apparemment on ne veut pas nous le passer. Alors on va rappeler en direct. On veut faisons-le juste de nouveau, Julien. Mais bien sûr, nous sommes le miroir de ce que vous vivez au quotidien. Merci de bien vouloir patienter. Voilà. Donc là, nous allons plutôt vers Emerinville. Où est le siège? Il y a un monsieur qui siffle. But, c'est nous. Il y a une dame qui parle, il y a un monsieur qui siffle derrière. Allô? But, c'est eux. Allô? Bonjour et bienvenue chez But. Oui. Notre hôtesse va vous répondre dans quelques instants. Merci de bien vouloir patienter. Alors pendant ce temps-là, je vous rappelle qu'il y a un MacBook Pro à gagner. Vous faites le 3210, touche numéro 2, puis une nouvelle fois, touche numéro 2. Ou bien vous faites SMS ou RTL 74900. C'est pas rien, un MacBook Pro, hein. C'est magnifique, c'est 13 pouces. Alors, si vous en avez que deux comme moi, écoutez, tant pis. Il y en a 11 qui ne serviront à rien, mais celui qui en a vraiment 13, lui, va taper une vitesse. Qu'est-ce qui se passe, maître Félonneau ? Moi, je lis plus d'un milliard de chiffre d'affaires. C'est bien, c'est une belle boîte. Hein. Mais c'est une boîte remarquable. C'est pour ça qu'il pourrait nous parler. J'ai acheté des meubles chez But pendant des années, c'est vachement bien. Et puis, encore une fois, ce petit couac, ça peut arriver à tout le monde. Mais là où c'est dommage, c'est que. Ça, c'est de l'organisation de refuser de parler. Je suis désolée. Voilà, là où ça m'étonne un peu, c'est qu'une grande enseigne comme ça ne règle pas le problème tout de suite. On fera la petite alerte, voici l'alerte. Ne la perds pas sur le pont des soupirs. La voici, dès qu'elle arrive, ça veut dire que vous avez quelqu'un, Bernard, et vous me le basculez tout de suite. Hervé Pouchol, vous allez entrer en piste avec un cas numéro 2, un cas qui est arrivé il y a quelques instants. Virginie, êtes-vous en ligne? Virginie, je me demandais si vous étiez en ligne. Et j'avais tort de me le demander. Virginie? Ah, là, on s'appelle. Ça sonne, c'est chez qui? Je ne sais pas. Allô? Oui, allô, je suis chez But? Non, pas du tout. Vous êtes chez Avis, monsieur. Je suis chez Avis. C'est du grand n'importe quoi. Au revoir, madame. À bientôt. Avis, c'est un prochain numéro que nous devions faire. Là, c'est un peu le Zarba, comme l'on dit. Donc, on va remettre de l'ennui. Il ne faut pas leur en vouloir. Il y a plein de lignes. À tout de suite sur l'antenne d'RTL pour l'alerte But et on démarre un nouveau cas. À tout de suite. Vous êtes artisan ou conjoint d'artisan? Du 1er au 14 octobre, vous élirez vos représentants à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Votez pour les candidats de l'UPA. Ils défendront à 100% les intérêts de votre entreprise. Retrouvez-nous sur upa.fr. L'artisanat, c'est nous. Votez UPA. Un pour tous pour l'anniversaire Intermarché. C'est parti! C'est les 4 semaines les moins chères de France chez Intermarché. Tentez de gagner l'un des 15 000 chariots d'une valeur de 75 euros et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com. Jusqu'au 23 octobre. Volet, portail, comme il faut. Choisir une fenêtre comme il faut, c'est bénéficier d'un conseiller comme il faut, d'une visite à domicile comme il faut et d'une pose de qualité certifiée comme il faut. Et c'est aussi vrai pour les portes, portails, portes de garage, volets, stores et pergolas. Retrouvez vos 700 conseillers comme il faut sur commeilfaut.fr. Portes et fenêtres comme il faut. Jiffy des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit. Tu joues, tu gagnes et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Les Durand vendent maison, 150 mètres carrés, grand jardin, piscine. Ils sont en vacances à Paris. Les Martins cherchent maison, 150 mètres carrés, grand jardin, piscine. Ils sont en vacances en Bretagne. Si la vie ne peut pas vous aider à vous rencontrer, Orpi le fait. Orpi, plus de 100 000 rencontres immobilières réussies chaque année. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Jean, alors à 8h, tu poses un disjoncteur chez Monsieur Chauvet. À 9h10, tu files chez Monsieur Dubois. À 10h, tu vas chez Madame Lefort. À 11h, il faut que tu repartes chez Monsieur le Duc que je viens d'avoir au téléphone. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Kangoo est à 129€ par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Loyer Tax Credit Buy maintenant 60 mois, 80 000 km pour Kangoo Express. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa. Voir Renault.fr. J'en ai marre de notre salle de bain. Pff, et la cuisine ! Si on changeait tout ? Ouais, sauf qu'on n'a pas encore gagné au loto. Pas besoin, regarde ce que j'ai trouvé. Peinture rénovation de V33. Élu produit de l'année 2016. Sans sous-couche et sans décapage. Alors, prêt pour changer de décor en un coup de pinceau avec V33 ? Si la gamme de peinture rénovation V33 est élue produit de l'année 2016, c'est qu'elle l'a bien mérité. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Bien, nous revenons quelques instants sur la cuisine. Vous avez loupé parce qu'on est en plein milieu de la pub. Quelqu'un qui a répondu, Bernard Sabat au siège, et qui a dit ah non, ah voilà. Non, hein, et elle a raccroché. Donc, j'ai dit, c'est Julien Courbet, elle me dit ah non, et elle a raccroché. Il faut vraiment que Monsieur Franck Massen nous rappelle. Allez, on va réessayer une nouvelle fois. En plus, on ne veut pas, on veut le faire avec le sourire. On est là pour dire, prouver que vous êtes les meilleurs. Je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas être plus gentil, Maître Fellonneau. Je n'ai même jamais été aussi gentil avec une femme, je crois, de ma vie, que je le suis avec l'enseigne But. Ah, ça, c'est sûr, c'est pas avec moi. Oui, mais le problème, c'est qu'on va se retaper le fondeur. Mais bon, on lâche rien, hein, c'est des moments. Allô ? Oui ? Bonjour, je suis au siège de But. Oui, ça n'a pas raccroché, on était au téléphone. Ah, je suis désolé. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL, où je m'évertue, madame, de dire aux auditeurs que vous êtes très très bon, une super enseigne, comme on les aime, mais que là, il faut juste aider quelqu'un qui en a marre d'attendre. Alors, comme au magasin, il n'arrive pas à résoudre le problème, on se tourne vers le grand patron qui, lui, j'en suis sûr, va trouver immédiatement la solution. Est-ce que vous pourriez me passer quelqu'un, s'il vous plaît ? Alors, monsieur, malheureusement, on a une procédure à suivre. Je ne peux pas vous passer quelqu'un. Bon, mais est-ce que monsieur Massen est au courant que ce matin, là, on est en train de faire une émission autour du magasin et de l'enseigne But et des problèmes d'un monsieur qui a payé une cuisine le 14 mai qui n'a toujours rien aujourd'hui ? Est-ce qu'au moins il est au courant ? Est-ce qu'au moins vous pouvez prévenir son assistante ? Après, s'il lui dit « je m'en moque », bon, ben, c'est de sa responsabilité, alors, mais j'aimerais bien savoir s'il est au courant. Alors, oui, ils sont au courant, oui. Alors la dame lui dit ce qu'elle doit dire. Passez-la-moi, on gagnera peut-être du temps, parce qu'il y a quelqu'un qui vous dicte apparemment ce qui... Qu'est-ce qu'elle dit, la dame à côté ? Non, non, elle me dit tout simplement qu'il y a une procédure à faire et d'accord. Alors, quelle est ? Expliquez donc aux gens qui nous écoutent ce matin, quand on achète une cuisine donc chez But au mois de mai, et que, si je ne m'abuse, on est le 27 septembre, on n'a toujours pas cette cuisine et qu'on en a ras-le-bol, quelle est la procédure alors ? Alors, la procédure dans ces cas-là est d'appeler le numéro client. D'accord. Alors, on va appeler le numéro client. Donnez-moi le numéro client. Alors, 08. 08. 92. 92. 01. 01. 12. Ah, je n'ai pas entendu. 12. 12. 01, 12, 11. 11. Eh bien, parfait. On va suivre la procédure et on va voir si ça se règle c'est comme ça. C'est pas la seule issue, monsieur. Alors, il y a une autre procédure. Allons-y. Alors, dans ces cas-là, si jamais ce numéro, ça ne marche pas, si jamais ça ne convient pas, vous pouvez toujours envoyer un mail via le formulaire sur but.fr. Oui. Ou alors directement envoyer un courrier à l'adresse de But à Emerinville. Ok, que quelqu'un fasse un courrier à But, comme ça on y reviendra dans 3 jours, une fois qu'ils auront reçu le courrier, pour voir si c'est avancé. Et nous, on va appeler le service client. Merci beaucoup, mademoiselle. Je vous en prie. On vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Voilà. J'avais l'impression que c'est l'école des fans, un peu. Tu l'avais déjà vu, Dorothée ? Et tu as déjà eu une cuisine comme ça ? Oh, elle est belle ! Et tu aimerais, plus tard, avoir une belle cuisine ? Oh oui ! Eh bien, tu vois, cher poseur, les enfants sont formidables. On devrait faire l'école des cuisines. C'est vrai, elle avait une petite voix charmante, je sais pas quel adorable. Âge. Ah ben, toute jeune, hein, c'est son premier job, à mon avis. C'est son premier job, ou alors la crèche était fermée, on lui dit, écoute, mets-toi au standard, ça t'occupera. Nous continuons, vous me trouvez le numéro client, c'est un feuilleton, tout ça, bien sûr, je pense qu'on va avoir du dénouement entre 10h30 et 11h, et encore une fois, j'ose espérer que les gens de But comprennent bien que je ne suis là que pour leur faire de la pub et dire qu'ils sont formidables, mais ils ne mettent pas, il faut le dire, ils ne mettent pas avancé. C'est quand même complètement fou qu'on entende ça aujourd'hui, alors que quelqu'un a payé. Et voilà, écoutez, vous ferez votre opinion vous-même. Nous, on va enchaîner dans une seconde avec Virginie, une histoire apparemment un peu tordue de location de voiture. Hervé Pouchol, on est bien d'accord ? Là, ça, c'est très tordu. Hein. Alors tiens, juste un petit test très rapide. Virginie est en ligne ? Allô, oui, Virginie. Bonjour. Alors, Hervé Pouchol, Virginie est-elle blonde ou brune? Ah, écoutez, elle est brune. Très Virginie, bien. Virginie, vous êtes brune. 1m62. Bonjour, Julien. Vous êtes brune, Virginie? Pas du tout. Voilà. Bon. Et vous mesurez combien? Alors. 1m56. Voilà, eh merci Hervé Pouchol. J'étais pas loin. Voilà, tout faux. On va se retrouver dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Nous allons écouter Renaud qui vous rappelle qu'il y a un MacBook Pro à gagner. Pour cela, tu l'envoies un peu tôt le disque, à mon avis. Tu fais 3210, touche numéro 2, puis encore touche numéro 2. Ou bien tu fais SMS RTL au 74-900. Et tu le gagnes. Voici les mots. Renaud sur RTL, la première radio de France. C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Poème, chanson, brûlot, ouvre des mondes plus beaux, des horizons toujours nouveaux qui vous éloignent des troupeaux. Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Les poèmes d'un Léoto, ceux d'un Brassens, d'un Nougaro, la plume d'un Victor Hugo éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots emmène mon esprit vers le haut, emmène mon esprit vers le haut. Sur RTL à l'instant, 10h18, le 32-10 est à votre disposition. Par exemple, vous avez été victime d'un dépannage à domicile qui a tourné à la catastrophe. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui a massacré votre voiture ou qui vous a vendu une voiture que vous ne pouvez pas utiliser. Vous êtes parti en vacances, vous avez connu la location cauchemar, l'hôtel cauchemar, le camping cauchemar, on vous doit de l'argent, le boulot, etc. Tout est bon pour être défendu sur RTL avec le sourire. Donc vous restez avec nous et vous appelez vite au 32-10 ou Facebook, la page. Ça peut vous arriver. Allez-y, standard ouvert. Bernard, de votre côté, est-ce qu'on aura peut-être du nouveau sur un dossier? Catastrophe, toujours pour Pascal et le problème avec Butch. J'ai appelé le service client comme on me l'avait demandé. 3 minutes 46, on me dit, trop grand nombre d'appels, on ne pourra pas vous prendre aujourd'hui. On vous rappellera plus tard, on pourra l'essayer tout à l'heure en direct quand vous voulez. Ah, d'accord. C'est vraiment formidable. Hein, et vous, Hervé? Pour aider Bernard, j'ai réussi à joindre un service de la direction qui est sur le coup. Bien, nous allons donc, en attendant, parce que je suis sûr que le grand patron, à un moment donné, va sortir de réunion et va dire « Basta !» C'est ce que disent les grands patrons quand ils veulent que les choses avancent, et je compte sur lui pour que ce soit le cas avant 11h, ça sera dans le Money Time. À mon avis, le Money Time, c'est ce qu'on appelle cette période où tout le monde nous rappelle dans le dernier quart d'heure, et puis Virginie sera là pour cette histoire de location de voiture qui va arriver. Le mardi s'annonce bien, nous nous battons, ça ne marche pas à tous les coups, mais nous ne lâchons rien, et nous le faisons pour vous les auditeurs d'RTL. Le cas de Virginie, juste après ceci. La paire menuiserie. buanderie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins, quand ils font leur anniversaire, eh ben c'est pas la fête. Hein. Et puis il y a l'anniversaire La Paire, avec une ambiance de folie et un festival de petits prix. Jusqu'au 2 novembre, c'est l'anniversaire La Paire, avec des offres à tomber. Par exemple, 25% de remise sur une sélection de portes de douche. Moins 25% sur les portes de douche. L'anniversaire La Paire, forcément il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Chez Cogedim, nos mètres carrés sont si bien investis qu'ils prennent de la valeur. Il y a le mètre carré qui rend heureux. Le mètre carré que l'on n'oublie jamais. Le mètre carré un peu bruyant. Et surtout le mètre carré plein d'avenir. Oui, il faut se projeter un peu. Jusqu'au 20 octobre, chez Cogedim, nous vous offrons jusqu'à 3 mètres carrés pour donner encore plus de valeur à l'achat de votre appartement neuf. Vous verrez la différence. Cogedim. Plus d'informations au 0811 33 2000. 6 centimes d'euros l'appel plus coût d'un appel local. Offre soumise à condition. Découvrez une nouvelle enquête de l'inspecteur Higgins, La malédiction de Toutankhamon. L'inspecteur Higgins de Christian Jacques, un personnage irrésistible au cœur de Scotland Yard. Une série palpitante, J-Edition XO. XO, lire pour le plaisir. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Le déclic, c'est ma maman en fait qui a démarré le régime Comme J'aime. Ma maman a perdu 10 kilos. Ce qui m'a plu, c'est que donc les plats déjà sont tout prêts. J'ai plus qu'à le mettre au micro-ondes et en 2 minutes, je peux manger. De plus, on mange de tout. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme J'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 507 507. 0800 507 507. Conditions de l'offre par téléphone, appel gratuit depuis un fixe. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, là c'est pas bon. Hein. Ah, pour Lidl ? Mais non patron, pour nous, ils lancent une gamme de produits bio. Des œufs, des yaourts, du lait, la totale quoi. Bah mais du coup, les prix sont aussi bio. Ah bah non, hein, ça vaut vraiment le coup. Dès demain par exemple, l'huile d'olive vierge extra et bio est à 3,59€ les 50 centilitres. C'est les salades. Ah bah non patron, l'huile d'olive bio vierge extra à 3,59€, eh bah c'est le vrai prix. Oh, on est mal. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 7,18€ le litre. Offre valable jusqu'au mardi 4 octobre. Pour votre santé, bougez plus. Affligem, cuvée blonde. D'abord, contemplez les reflets dorés de sa robe millénaire. Puis, ressentir toute la richesse du bouquet fruité d'Affligem. Enfin, savourez le subtil équilibre de ses notes de fruits jaunes et de miel. C'est l'instant où se révèle la parfaite harmonie d'Affligem cuvée blonde. Affligem, et si la bière se dégustait? Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et une alerte, et la pauvre Virginie qui est en train de se dire « Tu vas voir qu'ils ne vont pas parler une seconde de mon histoire de voiture. » On arrive Virginie, mais c'est toujours priorité dans le direct au cas précédent. Donc la cuisine de Pascal, Bernard Sabat. Écoutez, j'ai eu quelqu'un du service client qui m'a dit « C'est bien de nous avoir appelé, nous ne sommes que des conseillers de vente. Il faut rappeler le magasin d'Épernay, c'est eux qui gèrent ce problème parce que c'est un client à eux. » Voilà la réponse du service client. Conseillé par la grande direction, le siège. Il est grand le mystère de la cuisine. Nous continuons, Pascal. Je ne sais pas combien de temps va durer cette histoire, mais nous continuons, quitte à nous déplacer à Épernay avec vous au magasin. J'espère que Monsieur Franck Mahassène, grand président, va mettre maintenant un point d'honneur à dire que chez But, ça se passe bien. Mais pour l'instant, il faut dire les choses, ça se passe pas super bien. On attend des nouvelles de la communication, ils sont au courant. Ils vont mettre de l'ordre aussi, je suppose. Virginie, on démarre avec vous. Bonne nouvelle. Vous nous appelez d'où déjà, Virginie? De Haute-Savoie. De Haute-Savoie, ah, c'est vous, la dame de Haute-Savoie. Virginie, vous avez loué une voiture le 19 juin 2000. Combien? Le 19 juin, parce que je n'arrive pas à voir, c'est 2016? 2016, oui. 2016, à Ajaccio, chez Avis. Ajaccio. Oui. Et sur la fiche de contrôle étaient signalés des dégâts sur le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Et mais également porte arrière, c'est ça? Oui, c'est alors ça. Que sur le dessin, la porte n'est pas cochée. C'est ça. Donc quand vous avez pris la voiture, est-ce que vous avez, parce qu'on vous le dit bien, hein, en Corse comme ailleurs, moi j'ai loué une voiture en Corse, ils m'ont bien dit au guichet, attention, voilà ce que nous on nous a signalé, si vous voyez autre chose, allez à la petite cabane leur dire. Est-ce que vous avez fait ça? Non, voilà, j'ai fait confiance. Alors le problème, il est un petit peu là, on va voir ce qu'on peut faire, parce qu'effectivement... Et c'est compréhensible. Il réceptionne la voiture, admettons, un lundi à 17h. Vous la relouez le mardi à 14h. Donc le lundi à 17h, ils ont fait le check de la voiture. Mais si entre-temps, quelqu'un est passé dans l'entrepôt à rayer, etc., et qu'ils ne l'ont pas vu, c'est à vous de le faire. Donc ça, c'est une vraie question que vous posez, Virginie, parce que je ne sais pas ce que dit la loi dans ces cas-là. Parce que moi, je sais qu'en tout cas, même en Corse, partout, à Bordeaux, à Toulouse, partout où j'étais, à chaque fois, ils m'ont dit, attention, si vous voyez autre chose, vous allez le dire à la cabine avant de démarrer. Bah, c'est une évidence, étant donné que c'est la seule preuve contradictoire de l'état du véhicule. Donc, c'est une phase primordiale dans la location d'un véhicule. Quand on prend une voiture, là, on a en principe un employé. C'est rare qu'on ait simplement des clés qui vous attendent. Donc, c'est très important parce que c'est une photographie de la voiture que vous empruntez. Ensuite, quand vous la rendez, vous voyez bien, ils vont vérifier s'ils sont là. Mais vous savez, parfois, on rend les clés tout seul. Une boîte aux lettres. Exactement. Et c'est à vous, à ce moment-là, de refaire le tour de la voiture pour vérifier qu'elle est en bon état. Enfin, comme dans l'état, dans l'état dans lequel vous l'avez pris. J'arrive, Hervé. Voyons la suite quand même. Donc, vous la prenez à Ajaccio. Vous ne voyez pas donc cette rayure, je crois, sur la porte. En tout cas, elle n'est pas marquée. Si, vous la voyez. Si, j'ai vu. Vous l'aviez vu quand vous l'avez pris, la voiture. Oui. Et vous n'avez pas été voir la cabine. Vous avez donc accepté qu'il y ait une rayure qui ne soit pas marquée sur le contrat. Alors, elle était, je vais vous dire, il y a, sur la fiche de contrôle, vous avez une petite voiture de dessinée. Non, Virginie, répondez à ma question, Virginie. Je connais bien. Il y a une voiture et puis il y a une croix sur le pare-choc arrière, une croix sur le pare-choc avant. Vous avez vu que la portière était abîmée, mais vous avez vu aussi que sur le contrat, la portière n'était pas cochée. Pas sur le petit dessin, sur le listing, vous savez, qui est à côté. Voilà. Ah, sur le listing, il y a marqué quoi ? Exactement. Alors, sur le petit listing détaillé à côté, le pare-choc avant est coché et la portière arrière est cochée. Bon, si c'est coché au moins une fois sur le contrat, ça veut dire qu'elle était abîmée. Donc, vous rendez la voiture. Ah, on découvre en même temps que Virginie, c'est un cas express, je le rappelle. L'affiche est arrivée il y a quelques minutes. Vous rendez la voiture à Bastia le 27 juin et là, on vous dit que vous avez abîmé le pare-choc arrière, rayure. C'est ça. Mais ça, le pare-choc arrière, on est bien d'accord qu'au départ, il est coché. Il est coché sur le petit dessin. Alors, vous leur montrez le dessin en leur disant « Mais il est coché, il était déjà abîmé, qu'est-ce qu'ils vous disent ?» Eh bien, ils ne me disent rien. La personne qui était au guichet a été très désagréable et très énervée. Donc, elle m'a dit « Non, vous avez abîmé le pare-choc. » Donc, j'ai contesté sur la petite fiche navette. Ouais. J'ai noté contestation, rayure déjà cochée lors de la prise du véhicule. Parfait. Et elle n'a rien voulu savoir, elle m'a débité 280 euros. Parfait. C'est pour faire vivre l'île aussi. Alors attention, aujourd'hui, Bernard Sabat, vous allez nous donner quelques règles d'or sur la location de voitures. La règle d'or sur RTL. Après, on appellera nos amis. Moi, j'ai de très bons contacts avec eux. Oui. Ça se passe toujours bien. Bernard. Écoutez, d'abord, il faut faire le tour, évidemment, avec la conseillère qui vous propose la visite de courtoisie de l'extérieur de la voiture. Alors ça, Bernard, c'est pas toujours le cas. Je suis désolé, mais bien souvent, ils nous donnent la clé. Moi, par exemple, en Corse, pas plus tard que cet été à Calvi, on m'a donné la clé. On m'a dit, vous allez la chercher dans un parking qui était très loin. Et je ne la prends pas dans ces cas-là. Mais je suis désolé, il faut être ferme là-dessus, malheureusement. Donc, faire la visite. Et si vous dites, tu la prends pas. Je prends la voiture. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites quoi ? Vous passez les vacances dans l'aéroport. Vous dites, et je reviens devant le. Voilà. Et je fais le tour. Vous pouvez pas dire, je comprends, ça c'est l'idéal, mais il n'y en a qu'un derrière le guichet, vous dit, je quitte pas le guichet. Vous y allez et vous revenez en disant, monsieur, il y a un problème. Sur le plan, n'est pas marqué qu'il y a une rayure sur la porte. Oui, Hervé. Moi, je prends des photos et je fais parfois un film de la voiture. Oui. Je l'ai vu d'ailleurs. J'ai été au Gaumont samedi soir. On avait le choix entre le dernier James Bond et finalement les enfants ont dit non, papa, on voudrait aller voir le film de la voiture d'Hervé Pouchol. On y a été, on a tous payé, on s'est régalé. Et l'avantage, il a raison, Hervé, c'est qu'en plus sur votre appareil photo, en l'occurrence de votre téléphone, vous avez le jour et l'heure. Donc vous pouvez toujours le constater comme preuve. Maître Fellonard. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Virginie maintenant ? Ben, on est dans la mouise. C'est-à-dire. Il va rappeler tout simplement la région d'Avis, évidemment, Bastia. France. D'accord. Bastia pour commencer, France après. Allez, dans une seconde. Alors là, attention, là, les amis. Là, on va appeler. Moi, je les respecte énormément. C'est pour ça que je vais prendre l'appel à mon compte. On va tomber sur Menucci ou sur Patulacci. Et surtout, il va falloir, dans la conversation que nous allons avoir avec eux, enlever les voyelles à la fin. Voilà, on ne dit pas on dit à Boniface, à Jax, on mange la pizza. Ouais. Donc, on va lancer l'app dans une sur RTL. Être malade, ça tombe toujours mal. Surtout lorsqu'on n'a pas trop les moyens. Heureusement, quand votre budget est en mauvaise santé, l'ACS peut vous aider. Avec l'ACS, vous n'avez pas d'avance de frais chez les professionnels de santé, ni de dépassement d'honoraires chez le médecin. Vous êtes aussi aidé pour payer une mutuelle ou une complémentaire santé, et vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l'électricité et le gaz. Comme ça, vous êtes soigné, et votre budget aussi va mieux. Renseignez-vous sur l'ACS au 0800 971 391, service et appel gratuit, ou sur amélie.fr. L'assurance maladie. Au fait, chérie, j'ai raflé la portière de ta voiture. Quoi ? Sinon, goûte-moi cette nouvelle tablette pure origine Équateur de chez Réauté Chocolat. Après tout, c'est qu'une portière, hein? Découvrez-vous aussi l'effet Réauté chocolat avec une nouvelle gamme de tablettes à partir de 2,95€. Réauté chocolat, fabricant chocolatier. Pour votre santé, bougez plus. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, deux packs de Vittel achetés, deux packs offerts. Ah, carrément, deux packs de Vittel achetés, deux packs offerts. Ah bah dis donc, c'est un super plan. Tu m'étonnes. En ce moment, le meilleur de toutes les promos Leclerc est chez Leclerc. Du 27 septembre au 1er octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour deux packs de 9 litres d'eau minérale naturelle Vittel achetés, deux packs sont offerts. Vend modalité dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Et là, je dis à mon beau-père qu'avec Direct Energie, j'économise 10% sur l'électricité et le gaz. Et ? Et là, il me dit que lui aussi, mais que lui, ça fait 2 ans. Ah, et donc ? Ben, j'ai repris du dessert. C'est moche. Avec Direct Energie, en 5 minutes et dès aujourd'hui, vous pouvez payer votre électricité et votre gaz jusqu'à 10% moins cher. Appelez le 3099 ou rendez-vous sur directenergie.com. Services et appels gratuits, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Assurance, bonjour. Oui, bonjour. La question qui fâche, puis-je avoir une estimation en 2 minutes pour mon assurance auto? Non, bien sûr. Si, bien sûr. Et comment? MAF.fr sur votre smartphone. Vos réponses en quelques clics et vous simulez immédiatement votre tarif. MAF.fr sur mon smartphone et en 2 minutes? Voilà. Mais si vous préférez, on peut aussi vous rappeler. Aussi? Oh, merci, Miss MAF. Efficace et pas cher, c'est la MAF.fr, c'est la MAF. Tarif indicatif sur smartphone. Tarif personnalisé au 35, service et appel gratuit. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Pas de nouvelles de but pour l'instant, mais on en attend d'ici la fin de l'émission. Ça devrait arriver, je l'espère, avant 11h. Le cas de Virginie qui loue une voiture en Corse. Et elle s'aperçoit que sur la petite fiche qu'on lui donne, puisque les voitures ont une petite rayure, il y a toujours un petit truc quand on les loue, c'est bien normal. Et il y a un descriptif où on lui met porte rayée. Bon, peu importe, ça ne concerne pas la porte. Il y a porte rayée, pare-choc avant, pare-choc arrière. Et quand elle la rend à Bastia, on lui dit « Vous avez abîmé le pare-choc arrière ». Elle dit « Oui, mais c'est sur le contrat, c'était marqué que quand c'est je l'ai pris, oui, c'est le contrat que j'ai pris, il y avait marqué que le pare-choc était rayé, donc je ne l'ai pas réparé. Ça, effectivement, ce n'est pas à moi de le réparer, je l'ai pris rayé. » Et on lui fait quand même payer. Alors, on appelle d'abord Bastia ou Ajaccio, d'ailleurs, à Bastia, et après, on appellera le siège, appelons nos amis corses. Île remarquable. Quand je pense que certains se paient des vols de 11h ou 12h, une fortune, alors que la plus belle île du monde est là, à 1h30 de Paris, ceux qui n'ont pas été là-bas, les... Allô ? Bienvenue chez Bastia, Stéphanie, à votre service. Bonjour Stéphanie, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Stéphanie, je vous explique, j'ai une de vos clientes, Virginie, qui a pris une voiture, elle est en ligne avec moi chez Ajaccio, chez Avis à Ajaccio, elle l'a rendue à Bastia, et apparemment, quand elle a pris Ajaccio, il y avait marqué sur le petit contrat, sur l'état de la voiture, que le pare-choc arrière était rayé. Et quand elle vous l'a rendu, c'est ce qu'elle nous dit à Bastia, on lui aurait fait payer la rayure sur le pare-choc arrière, alors qu'elle dit, mais attendez, regardez, c'est sur le contrat, c'était déjà rayé à Ajaccio. Et on essaie de comprendre parce qu'elle nous dit « Je suis un petit peu désemparée ». Est-ce que vous connaissez ce cas, Virginie Gauthier ? Pas du tout. Vous pouvez me passer quelqu'un peut-être qui s'y connaît, qui connaît ce cas ? Là, actuellement, M. Courbet, alors déjà, je suis très surprise d'entendre votre voix, ça me fait très plaisir. Ben moi aussi, Virginie, j'étais en train de dire « Oh, combien j'aime votre île ». Quel temps fait-il à Bastia ? Faites-moi rêver. Pardon ? Quel temps ? Très beau. Eh ben voilà, comme à chaque fois. On a des arrivées d'avion et Là, vous n'avez pas le temps. Non, malheureusement, pas du tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas des bureaux où je peux avoir quelqu'un ? Là, je suis carrément à l'aéroport. Oui, là, vous êtes carrément à l'aéroport. Je peux vous donner le numéro de notre siège administratif, si vous souhaitez. C'est génial. Le siège, donc, de Corse. Oui. C'est super. Merci beaucoup, mademoiselle. C'est super sympa. Je le note en tête. Vous le prenez, Hervé ? Merci. Bonne journée. Et bonne arrivée d'avion. Eh bien oui, quand les avions arrivent, tout le monde se précipite au guichet pour essayer de louer une voiture. On va donc appeler le siège administratif de Corse, mais Bernard est actuellement aussi sur le coup pour essayer d'avoir le siège de Paris. Exactement. J'essaie d'avoir quelqu'un de la direction de Paris. Pas de nouvelles de but pour l'instant. J'ai pas eu d'appel. Eh bien, nous continuons. Et sinon, on y reviendra demain matin. Il y a quand même un feuilleton qui se suit du lundi au vendredi dans le 9h30-11h. Et quand on n'arrive pas, comme c'est le cas d'ailleurs avec But ce matin, à régler un problème, eh bien, dès le lendemain, nous y retournons. Ça, c'est Sarah qui nous en parle. Et ça s'est passé hier. Ça s'est passé hier. Et on y revient aujourd'hui sur RTL. Marie-Christine nous avait dit ceci sur l'antenne d'RTL. On n'a pas beaucoup de moyens. On a emprunté de l'argent à notre famille pour acheter une voiture. On vit à la campagne, on a 6 enfants à charge. Ce véhicule a commencé à tomber en panne au bout de 2 jours. Le vendeur ne veut rien savoir. Alors, Maître Fellono, rappelez à nos auditeurs pourquoi nous avons été touchés. De temps en temps, on fait des cas comme ça où on se dit le droit, les procès ne pourront rien changer à la situation. Essayons de faire jouer le bon sens et la solidarité. Effectivement, je pense que cette voiture était affectée d'un vice caché au sens juridique, mais peut-être pas pour le vendeur, étant donné qu'on les documents montraient que ce vendeur avait gardé cette voiture à peine 15 jours. Il avait dû peut-être s'apercevoir que c'était une vieille voiture pourrie et il s'en est débarrassé. Et donc, on avait décidé de court-circuiter tout ce qu'il y avait de mise en demeure, de pourquoi tribunal, parce que, etc. Parce que Marie-Christine... Elle n'a rien. Non, mais elle a surtout 6 enfants. Exactement. C'est une petite Clio, ils sont 8 dedans, c'est pour emmener les gamins à l'école et en plus, les pauvres sont surendettés. Donc, c'est la cata absolue. Complète. Et il y avait ça en plus. Alors, on a eu le témoignage du garage où est déposée la voiture qui nous a dit, c'est vrai que cette voiture est dans un état lamentable, il faut changer la boîte de vitesse. On a eu l'appel d'un bienfaiteur extraordinaire, Manuel, qui nous a dit, écoutez, je viens d'écouter la radio, je vais lui trouver une petite voiture, mais elle en avait déjà une petite, donc c'est juste extraordinaire. Sauf que c'était en fin d'émission, il ne restait que 40 secondes quand on a appris tout ça, et dans l'après-midi, quand on a essayé de régler les détails, puisqu'il fallait aller chercher la voiture à un autre endroit, donc Sarah s'en occupait, Marie-Christine nous apprend, Sarah, que malheureusement, la voiture qu'il lui faut doit être obligatoirement une automatique. Pourquoi ? Exactement, par rapport au handicap de son mari, c'est une boîte de vitesse automatique qu'il nous faut. Alors, je tiens vraiment à rendre hommage à nos auditeurs. Ils ont été 3 hier à se mobiliser. Chacun avait une voiture à offrir à notre auditrice. Mais ce matin, justement, nous avons une bonne nouvelle. Je vais vous laisser avec Monsieur Rosico du garage qui a quelque chose à vous annoncer. Alors, Monsieur Rosico, c'est là où est déposée la voiture, c'est puisque Marie-Christine, quand elle l'a acheté et qu'elle s'est aperçue que ça marchait pas du tout, elle l'a déposée au garage Rosicon, elle est tombée en panne, qui a dit, madame, votre voiture elle est foutue, il faut changer je sais plus ce que c'était, la boîte etc. Alors monsieur Rosicon, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour monsieur Rosicon, merci beaucoup. Vous avez un garage qui se trouve où exactement, monsieur Rosicon? À Saint-Hilaire-Pérou. À Saint-Hilaire-Pérou, dans le 19560 exactement. Donc on a quelqu'un qui donne une voiture, malheureusement c'est une boîte manuelle, et il faudrait mettre une automatique. Est-ce que vous pouvez nous aider, monsieur Rosicon? Mais moi je voudrais profiter de l'antenne pour essayer de lancer, parce que c'est une boîte automatique, c'est très compliqué à trouver, de profiter de l'antenne et des auditeurs pour savoir si quelqu'un avait une boîte de vitesse automatique de Renault Twingo. Oui. Voilà, donc éventuellement je peux même vous donner le type. Allez-y. De la boîte. Alors, le type, c'est une boîte MB1. Donnez des prénoms pour les lettres. Alors, Maurice Bernard. Ouais. 1-033. Voilà. On cherche une boîte automatique d'occasion, évidemment. MB1-033. Donc, c'est une boîte automatique pour une Twingo. Ah non, Twingo. C'est pas une Twingo. C'est non. Ça. Non, je sais pas ce que donne. Il donne une Twingo, l'auditeur? Non, c'est la même voiture que le garagiste se propose de réparer si on lui donne et s'il trouve une boîte de vitesse automatique. Parce que celle que donnait l'auditeur, lui l'offrira. Voilà, il offrira la main d'œuvre d'après ce que je comprends. On change un peu notre fusil d'épaule. Si on peut avoir cette boîte automatique MB1-033, essayons de voir peut-être chez Renault, peut-être des garages Renault. Il faut vraiment nous aider. Elle a besoin de cette voiture. Alain Hazard, rédacteur en chef. Oui, ce qui était aussi important, c'est que ce garagiste extrêmement sympa, il assure effectivement, et c'est important parce que ça coûte très cher, la démonte de cette boîte de vitesse actuellement, qui n'est pas bonne, et il assure évidemment gratuitement l'autre boîte de vitesse en la reposant intégralement. D'accord. Bon, on en cherche une, on lance l'appel et on sait que vous, monsieur Rosicon, vous pourrez la poser. Si jamais on n'en trouve pas, on aura peut-être des plans B et C, Sarah, puisque d'autres auditeurs ont dit, éventuellement, on peut laisser, on a une vieille voiture dont on ne sert plus, mais il faut évidemment qu'elle soit automatique. Alors, il y a un standardiste qui veut savoir où quoi. Alors, attendez, on va essayer de demander parce qu'il me tend un panneau. Dans quelle région où. Alors, je lui répondrai bien pour être drôle. Dans ton cul. Mais bon, évidemment, ça ne se fait pas sur une antenne. Mais ou quoi? Il veut savoir quoi exactement? Il voulait savoir dans quelle région. Je lui ai dit que c'était à Brive, à 15 km à peu près de Brive. Eh ben, c'est parfait. Ça, voilà, c'est à côté de Brive. Il a bien fait. Bon, merci beaucoup, monsieur Rosicon. Dès qu'on trouve une boîte de vitesse automatique d'occasion pour Twingo MB1-033, on sera ravis de faire une belle pub à celui qui l'offrira. Et bravo en tout cas à vous, monsieur Rosicon, à Saint-Hilaire-Pérou. Vous avez un garage. Ouais. Oui. Moi j'ai téléphoné, j'avais peut-être trouvé une, mais voilà, je vous tiens au courant si voilà. Et vous nous appelez immédiatement dès que vous l'avez, d'accord? Si j'en ai une, je vous appelle. Ça marche. Allez, on va se faire dans quelques instants un point info, si vous le voulez bien. Vite, Nathalie. Non, quand même. Quand on vend une voiture d'occasion entre particuliers, que la voiture tombe en panne, justement, très peu de temps après la vente, on a le droit, entre particuliers, de faire une action pour vice rédhibitoire, c'est-à-dire récupérer le prix de vente du véhicule et restituer le véhicule, même entre particuliers. Bien sûr. Qu'il soit de bonne foi ou de mauvaise foi. S'il est de mauvaise foi, en plus, on peut demander des dommages et intérêts. Voilà. Si elle ne l'a pas fait, cette dame, c'est parce qu'elle a 6 enfants, un mari handicapé, plus de voiture et elle est surendettée. Donc vous imaginez bien que faire un procès pour elle, c'est le dernier elle de ses. Elle ne peut pas, mais si vous pouvez, sachez que vous pouvez le faire. A tout de suite sur RTL, 11h-20, le Money Time va démarrer. Philippe, ce n'est pas le premier venu. Il dégage une chaleur de vivre, m'offre des soirées au coin du feu. Et lorsqu'il m'a invité au rendez-vous des affaires, j'ai complètement flambé. Rendez-vous des affaires Cheminée Philippe jusqu'au 17 octobre. Cheminée, poêle à bois et à granulés, la qualité, les meilleurs prix. Cheminée Philippe, adressez-vous aux spécialistes, pas au premier venu. Magasin participant sur cheminée-philippe.com. Comment je fais pour avoir de beaux cheveux dans tous mes films? C'est un secret de star. Bon, ok, je vous le dis. Mon secret s'appelle Vitalitis. Vitalitis, toute une gamme de shampoings et de soins pour que vos cheveux soient toujours au top. Alors faites comme moi, demandez les produits Vitalitis à votre coiffeur. Silence plateau, s'il vous plaît. Vitalitis. Écarquille tes esgourdes, mecton. Renault est de retour. Le troubadour débarque en bande dessinée. Pour l'occasion, c'est gratiné. 25 balades retapées par les plus grands blasts de la BD. Crapahuète dans l'univers à Renault. À coup de crayon, retapissez les célèbres charognards en bifurquant par Manhattan Kaboul. Si tu cherches une Bible, laisse béton. La bande à Renault, aux éditions Delcourt. Ta-ta-tin. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins, avec leur anniversaire, ils se couvrent de ridicule. Et puis il y a la paire, qui vous couvre de bonnes affaires pour son anniversaire. Jusqu'au 2 novembre, pendant l'anniversaire La Paire, il y a par exemple jusqu'à 2000 euros de remise immédiate sur toutes les cuisines. 2000 euros de remise immédiate sur les cuisines. L'anniversaire La Paire, c'est clair, il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Qu'est-ce que le bonheur ? L'univers a-t-il un commencement ? Juillet ou août ? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C3 Vitamine à partir de 9 990 euros. Avec moteur PureTech, climatisation et radio CD MP3. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais pile ou face ? Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Le déclic, c'est ma maman en fait qui a démarré le régime Comme J'aime. Ma maman a perdu 10 kilos. Ce qui m'a plu, c'est que donc les plats déjà sont tout prêts. J'ai plus qu'à le mettre au micro-ondes et en 2 minutes, je peux manger. De plus, on mange de tout. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme J'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 507 507. 0800 507 507. Conditions de l'offre par téléphone, appel gratuit depuis un fixe. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Alors, dans le 9h30, 11h sur RTL, je voudrais que l'on appelle quand même le propriétaire de la voiture qui a vendu cette voiture à notre famille qu'on est en train d'aider. Mais le problème, c'est que lui, il a gardé 15 jours. On voulait juste savoir pourquoi. Alors, j'espère qu'il va répondre. On l'avait eu hier, il nous avait dit « Je suis au boulot ». Il y a de fortes chances qu'il nous le dise encore aujourd'hui. S'il veut la rembourser, on est au moins participer à l'effort. Après, je vous donnerai des nouvelles de ce monsieur, on va appeler tous les jours, qui, vous savez, est dialysé, plus de 80 ans, et qui, je le rappelle. Bonjour, aussi... vous êtes bien sur la messagerie de Lisiane. Je ne suis pas disponible pour l'instant. On va lui laisser un message. Laissez-moi un message. Alors, ok, on va laisser un petit message s'il y a un bip qui arrive. Voilà. Bonjour, Julien Courbet en direct sur la radio RTL. C'était un message pour monsieur Jao Fernandez à Brive concernant une voiture qui a été vendue à Marie-Christine. On voulait juste avoir quelques renseignements là-dessus. Si vous pouviez nous rappeler, je vous laisse un numéro. Alors, Sarah, où en est-on sur ce cas assez scandaleux ? Scandaleux, pas parce que c'est arrivé, scandaleux, c'est parce que ça n'a pas été résolu encore. Manuel, je le rappelle, à 86 ans, il est sous dialyse 3 jours par semaine. Il a eu des petits soucis financiers, donc il y avait une petite dette, si je me le rappelle, si je me rappelle bien, Maître Fellono. Une dette, on ne connaît pas le montant. On ne connaît pas le montant auprès de l'électricité, du gaz. Et on lui a tout coupé, il n'avait même plus ses repas à domicile. Enfin bref, la cata, c'est son médecin généraliste qui nous a appelés. Et vous, vous avez appelé tout le monde, il devait venir installer un jour, il les a attendus, ils ne sont pas venus. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une histoire de fou, Julien, je commence vraiment à être agacé. Alors, je vous résume rapidement. J'avais appelé les services du gaz et de l'eau, qui m'avaient dit qu'ils attendez une réunion avec le centre social, mais le centre social ne revenait pas vers moi. Vous m'aviez demandé, mais Sarah, que se passe-t-il? Alors effectivement, j'ai appelé le centre social pour avoir des renseignements. Je voulais juste apprécier la situation. Écoutez bien ce qu'a dit le centre social. Le dossier est en cours de traitement, mais pour le moment, non, c'est en cours. Une réunion qui est prévue, donc c'est un dossier qui est en cours. Mais bon, je peux pas vous dire plus que ça. Faut nous dire ce qui va se passer. Oui, sauf que moi, les ordres qu'on a reçus, c'est voilà, c'est de vous dire que c'est en cours. Je vous dis, voilà, ce que on m'a dit de vous dire. Mais pourquoi vous pouvez pas communiquer avec moi, vu qu'on travaille dans la même direction? Je peux pas vous dire plus. Voilà, c'est un dossier qui est en cours, quand en cours de traitement. Bon, en gros, vous avez pas le droit de communiquer avec des membres de l'équipe de Julien Courbet, c'est ça, en fait. Voilà. On n'a pas à communiquer. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Bon, alors écoutez, ça me gêne pas qu'ils aient le droit de communiquer du moment que ça avance. Nous, on n'est pas là pour que les gens communiquent avec nous et se faire mousser. On est là pour qu'il ait l'eau et l'électricité. Et s'ils veulent l'appeler directement en lui disant c'est grâce à nous et pas à l'émission, qu'ils le fassent. Mais en attendant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est ce que je voulais rappeler depuis le mois d'août. Donc moi, je suis pas contente. À un moment donné, ils veulent pas communiquer avec nous, certes, mais à un moment donné, il faut aussi communiquer avec les autres collaborateurs. Alors, justement, Manuel est en ligne. Manuel, vous m'entendez? Oui. Ah, donc c'est Manuel, le fameux Manuel, 86 ans, qu'on n'a pas réussi à voir sur l'antenne parce que le pauvre se fait dialyser aujourd'hui, visiblement. Oui. Pas encore. Vous n'avez toujours pas l'eau et l'électricité? Je n'ai toujours rien du tout. Bon. Manuel, j'ai juste besoin de savoir quelque chose, mais je ne suis pas sûr que vous soyez au courant exactement. Vous deviez des sous? Il y a des factures qui n'ont pas été payées? Non, mais disons qu'elles ont été payées en partie. En partie, mais alors la partie qui reste, c'est ça, j'ai besoin de savoir. C'est beaucoup ou pas? Écoutez, Julien, excusez-moi, j'ai bientôt 90 ans. Oui. En 2013, en février, le 2 février, c'est un dimanche. Oui. J'ai suivi un braquage dans la rue, là. Boulevard Jeune de Manuel, je vais vous interrompre, oui. Manuel, parce que comme je suis en fin d'émission et que je n'ai qu'une seule envie, vous aider, vous ne savez pas combien vous leur devez. C'est-à-dire que le Crédit Lyonnais, depuis 3 ans, me sucre 190 euros. Non, c'est pas ça la question. Est-ce que vous le savez, vous? Alors, Manuel, il y a quelqu'un à côté. Est-ce que la personne à côté peut prendre le téléphone, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci bien beaucoup, Manuel. Je comprends. Vous savez, Manuel, il y a autre chose à penser. Merci. Bonjour, madame. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. Oui. Combien doit-il, Manuel? Mais en fait, on ne sait pas. Moi, je suis la secrétaire de son médecin traitant. Oui. Et on n'a pas plus de renseignements sur ses factures. D'accord. On sait qu'il a payé une partie et qu'il devait mettre l'électricité. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'il devait revenir mettre l'électricité. Sarah, ils sont pas venus. Alors, on va les rappeler. C'est ça. Il y a eu confusion, apparemment, au niveau de leur conversation, puisqu'ils communiquent pas avec nous. C'est ce qui me dérange. Maintenant, pour la dette de notre auditeur, notre cher auditeur, c'est pour ça que le centre social devait le rencontrer pour l'aider via un échéancier. C'était ma demande. Je sais à peu près combien il doit. Oui, mais maintenant, rappelons la compagnie d'électricité. Je relance un appel au grand patron de la compagnie d'électricité. S'il pouvait s'occuper de ce cas, ça serait formidable. Je crois que c'est monsieur Jean-Bernard Lévy pour l'électricité. Alors pour le gaz, je ne sais pas, mais il faut vraiment que cet après-midi, on avance. En plus, ils nous ont dit bien sûr les services presse. Qui avait eu le service presse? C'est vous Bernard ou c'est vous Hervé? Ah ouais. Concernant l'électricité et concernant le gaz? Non, on les a eu tous les deux, de mémoire. De toute façon, ils nous avaient dit qu'ils suivaient le cas et moi j'ai tout transmis à Sarah. Alors, monsieur Lévy de EDF et monsieur Mestralet, c'est les grands patrons. Dites-nous juste si vous pouvez faire quelque chose ou rien, qu'on trouve une autre solution, parce que nous on était restés sur, mais bien sûr qu'on va lui remettre l'eau et l'électricité, et après les services sociaux s'arrangeraient avec vous. Je vous confirme, ils n'attendent que le feu vert du centre social, tout bloque avec eux. Est-ce que nous pourrions les appeler ensemble? Mais bien sûr, alors préparez-moi, mais c'est pas le centre social qu'il faut appeler, c'est le maire là maintenant, parce que si le centre social vous dit je ne peux pas, on appelle directement le maire de la commune. Une alerte! Oui, concernant Virginie et son problème de location de voiture, ça va être très très court. J'ai eu la direction administrative de Avis en Corse qui sort le contrat. Alors là, on n'est pas dans les ordinateurs. D'accord. On sort vraiment le contrat qui a été signé et elle revient vers nous et génial, vers Virginie le plus vite possible. Bon, donc c'est à suivre dans le feuilleton, peut-être dès demain sur l'antenne d'RTL. Concernant But, la cuisine, toujours aucune nouvelle. Alors, on a un petit peu avancé. Ça veut dire que le service client a enfin répondu pour nous et nous ont récupéré tous les éléments. Ils se rapprochent des Pernets pour éventuellement trouver une solution pour notre auditeur. Ça mais aussi, c'est très très long. Hein. On se dit que demain matin, on se met dessus. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. On va essayer dans les quelques secondes qui nous restent d'avoir le maire, parce que je comprends pas. Si les services sociaux veulent pas nous parler encore une fois, on s'en moque. Mais avançons. En fait, on n'est pas, on va pas jouer à cache-cache. On lui met l'eau, on lui met l'électricité, ou on lui dit tu ne l'auras pas et on trouve une autre solution. À tout de suite sur RTL. J'en ai marre de notre salle de bain. Pff, et la cuisine. si on changeait tout? Ouais, sauf qu'on n'a pas encore gagné au loto. Pas besoin, regarde ce que j'ai trouvé. Peinture rénovation de V33. Élu produit de l'année 2016. Sans sous-couche et sans décapage. Alors, prêt pour changer de décor en un coup de pinceau avec V33? Si la gamme de peinture rénovation V33 est élue produit de l'année 2016, c'est qu'elle l'a bien mérité. Vous êtes artisan ou conjoint d'artisan? Du 1er au 14 octobre, vous élirez vos représentants à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Votez pour les candidats de l'UPA. Ils défendront à 100% les intérêts de votre entreprise. Retrouvez-nous sur upa.fr. L'artisanat, c'est nous. Votez UPA. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Jiffy fête ses 35 ans et nous fait gagner 35 millions d'euros. Tu télécharges l'appli Bravo Loto 100% gratuite, tu joues et tu gagnes. Je sais, j'ai déjà gagné. Chanceuse. Combien? 250 euros de bons d'achat sans condition. Et il y a aussi le jackpot minimum de 10 000 euros en cash tous les soirs. Jouer en téléchargeant l'appli Bravo Loto 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Jiffy, des idées de génie. Message de Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA. Sportif, joyeux, joueur ou câlin, venez trouver l'animal qui vous ressemble dans les refuges et maisons SPA lors de nos journées portes ouvertes du 30 septembre au 2 octobre. Plus d'informations sur la-spa.fr. Avec RTL. Le cri, c'est le terrifiant thriller de Nicolas Beugley. Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. Un patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte dans un hurlement muet. C'est le début d'une gigantesque enquête criminelle. Et ce mystère angoissant a-t-on fait de la peur une arme de mort? Le cri de Nicolas Beugley, un livre XO. W9 présente OVNI, l'info retournée. Bertrand Chamerois fait sa grande rentrée sur W9 ce soir en direct à 22h45 avec sa toute nouvelle émission. Retrouvez-le entouré de sa team pour des happenings, des tournements, micro-trottoirs et parodies avec des invités pour s'amuser en s'inspirant de l'actualité. OVNI, l'info retournée, ce soir en direct à 22h45 sur W9. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. C'est parti! C'est les 4 semaines les moins chères de France chez Intermarché. Tentez de gagner votre voyage de rêve d'une valeur de 10 000 euros à composer vous-même et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com jusqu'au 23 octobre. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors, je tiens à préciser à mes collègues d'RTL, aujourd'hui, il y a une journée spéciale Bruce Springsteen. Bruce Springsteen a sorti un nouvel album formidable et on devait passer un extrait. Et chaque auditeur va d'ailleurs recevoir le livre Born to Run, la biographie de Bruce Springsteen. Mais là, il y a ce cas sur lequel j'ai voulu revenir, donc il se peut qu'on ne le passe pas. Donc, je serai seul responsable. S'il y a un responsable, c'est Julien Courbet qui n'a pas passé Bruce Springsteen. Car, si j'avais écouté Xavier Kassovitz, je l'aurais passé dès le début de l'émission. Mais je voulais finir avec. Donc, tant pis pour moi. Et alors que vous adorez Bruce Springsteen. Bien sûr. Là, on appelle la mairie des Lilas. Pourquoi la mairie des Lilas? Parce que Manuel, qui va bientôt avoir 90 ans, dialysé 3 fois par jour, n'a plus l'eau, n'a plus l'électricité. Et le centre de l'électricité et l'eau nous disent... on essaie de voir avec le centre social qui nous disent où on en est, etc. On lui remettra l'eau et l'électricité. Le centre social nous a dit, on ne vous parle pas. L'eau, je crois qu'il l'a. C'est le gaz et l'électricité. Mais il n'a pas d'eau chaude. Donc. Alors, Monsieur Guiraud est le maire des Lilas, qu'il nous dise juste sur quel pied danser. C'est pas... Il n'est pas question de donner des bons points, des mauvais points. C'est où en est-on? Comment on fait pour que cet homme ait l'électricité et l'eau? C'est tout ce qui nous intéresse. Il faut mettre en place un échéancier, Julien. Et, le service social de la mairie, en principe, aide à cette mise en place et participe aussi. C'est fait pour ça. On appelle la mairie des Lilas, là. On est bien d'accord. Hein, nous sommes bien d'accord. On n'est pas au centre. C'est vraiment la mairie. C'est la mairie. D'accord. Bon, alors on est à la mairie des Lilas. Ou à la mairie des Lilas. Pour l'instant, ça ne répond pas. Ça, c'est le feuilleton que vous suivrez demain matin. On ouvre avec ça, 9h30, les amis. On lâche pas et on reviendra sur tous les cas qui, normalement, seront résolus d'ici demain. La voiture, sauf la cuisine. La cuisine, pour l'instant, 10h53. Nos amis de chez But à Guingamp ne nous ont toujours pas rappelé. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas vous dire ça. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Rappelé, pardon. Ils ont rappelé. J'ai dit une énorme bêtise, décidément, aujourd'hui, entre Bruce et Lisa. Mais ils ont dit quoi ils exactement? Ils se rapprochent donc, évidemment, de la boutique des Pernets. Allô, la mairie de Lila? Oui. Oui, bonjour, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Pourrais-je avoir monsieur le maire, monsieur Guiraud, son cabinet? Oui, c'est pas une blague. Ah non, c'est pas une blague, madame. Bon, à l'instant. C'est très gentil. C'est concernant, on en a parlé sur RTL, un monsieur qui n'a plus l'eau et l'électricité. Bon, je vous mets en relation. C'est très gentil. Madame va nous passer donc le cabinet de la mairie des Lilas. Donc là, peut-être qu'il va falloir réexpliquer. Je vous donnerai la parole, dans ces cas-là, Bernard, pour réexpliquer tout ça à monsieur le maire. Mais normalement, nous pourrions avoir monsieur Guiraud dans une seconde. Vous me faites une alerte, vous récupérez l'appel. Dès que vous entendez cette petite alerte, c'est peut-être qu'on a le maire qui sera en ligne. Allô ? Bernard, vous récupérez l'appel. On va faire, vous savez quoi, un heureux. Là, le temps que le maire arrive, parce qu'on va passer par tous les bureaux, on va faire gagner quelqu'un qui a donc joué pour essayer de repartir avec un MacBook Pro 13 pouces. Et voici où nous partons maintenant. Dans quelle région, vous aimeriez bien le savoir? J'ai une petite liste. Si le premier ne répond pas, nous passons au deuxième. C'est parti. Tatonne. Allez-y, à vous, Maître Félonneau. Vous lui dites pourquoi t'es pas venu au rancard? Oui, allô? Mais pourquoi t'es pas venu au rancard, eh oh? Allô? Allô? Allô? Oui. Ben, je t'attends. T'es pas venu au rancard, là? Allô? Quoi? Allô? Ben, saute pas de joie comme ça, t'es pas venu au rancard, je t'attends, là! Je suis pas venu au rancard? Ben non. Où t'es? Merde. Je suis dans mon bureau. Eh ben, tu fais bien d'être dans ton bureau. Parce qu'un bureau, ça marche toujours avec un MacBook Pro, et ça rime. Non. Mais si, Arthur, vous avez gagné un MacBook Pro 13 pouces d'une valeur de 1 300 €. Vous qui êtes commercial dans quelle région? Dans la Vendée. Ah ben c'est parfait, c'est votre quelle premier job. Vous avez. Ça fait 10 ans que je le fais maintenant. Je bosse pour une entreprise familiale avec mon père. Attendez, ça fait 10 ans. On me dit que vous avez 23 ans. Ça fait 10 ans que vous êtes commercial, vous avez commencé à 13 ans. 6 ans. Eh ben dis donc, ça plaisante pas. J'ai commencé avec le BTS, à la licence. Ah. On vous envoie ce MacBook Pro, on vous souhaite une bonne chance dans la vie. C'est super, vous êtes géniaux, je vous remercie. À bientôt et merci. Demain matin merci. Sur RTL, un autre MacBook Pro à gagner. Il y a du money time de tous les côtés, il est 10h56, je n'ai plus que 2 minutes, Bernard Sabat. Monsieur le maire des Lilas vous donne rendez-vous demain matin parce qu'elle est en réunion. Oui. Son assistante va nous appeler cet après-midi auprès de Sarah pour caler le rendez-vous. Génial, donc on va faire le point info rapido, s'il vous plaît également. Tout est rapido lorsqu'on est en fin d'émission. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Ça a commencé avec Pascal qui nous a appelé avec sa cuisine, écoutez bien. On a commandé une cuisine en juin, on l'a payé 4 600 €, on est en septembre, on n'est toujours pas terminé. Le vendeur met en cause le sous-traitant, et nous dans les soirs, on a des bouts de cuisine. Bon, le magasin local nous a dit, écoutez, on fait ce qu'on peut, mais pour l'instant, on peut pas. On a essayé d'avoir le siège, ils ont rappelé, on espère avoir des nouvelles demain. Alors, j'espère, oui, dans les 48 heures, que notre ami Pascal ait des nouvelles de nos amis de But. Un But dont on rappelle qu'on est des fans de But, mais qu'ils nous prouvent qu'ils sont vraiment les meilleurs. Oui, Hervé. À l'instant d'avoir une personne qui s'occupe du dossier. Génial. On aura des nouvelles demain matin. Donc demain matin, vous êtes sur l'antenne pour en savoir plus. Nous avons eu ensuite, si je ne m'abuse, le cas de la voiture louée en Corse avec une rayure dès le départ qu'on voudrait lui faire payer à l'arrivée. C'était un cas express, Hervé Pouchol. Alors là, il faut sortir le dossier. Donc le siège administratif d'Avis Corse sort le dossier, va contacter notre auditrice qui revient vers nous, normalement du nouveau, dès demain. Bon, nous sommes toujours en attente pour la voiture, je vous le rappelle, de cette personne qui a acheté à un particulier. La voiture était pourrie. Nous cherchons un embrayage MB1-033 pour une Twingo. On espère l'avoir demain pour vous annoncer la super nouvelle. Et voilà, écoutez, tout ceci s'est fait, je crois, avec beaucoup d'efficacité. Donc demain, vous êtes là pour savoir comment tout ceci va se terminer. Bonjour Nadine Lecomte, vous dirigez la recherche du laboratoire Nux. Parlez-nous de Nuxellence. C'est le premier soin jeunesse et lumière de Nux. Un anti-âge révolutionnaire aux 10 brevets. Intéressant cette histoire de lumière. C'est ça la révolution. Nuxellence rétablit l'énergie des cellules et ça se voit. La peau est plus lisse, repulpée, incroyablement lumineuse. Et aujourd'hui, vous lancez une nouveauté. Oui, Nuxellence Regard, un nouveau contour des yeux avec applicateur massant pour un effet perfecteur immédiat. En pharmacie et parapharmacie. Nux, resplendissez. Volet, portail, comme il faut. Choisir une fenêtre comme il faut, c'est bénéficier d'un conseiller comme il faut, d'une visite à domicile comme il faut et d'une pose de qualité certifiée comme il faut. Et c'est aussi vrai pour les portes, portails, portes de garage, volets, stores et pergolas. Retrouvez vos 700 conseillers comme il faut sur commeilfaut.fr. Portes et fenêtres comme il faut. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, un paquet de farine de blé et blé acheté, un paquet de farine de blé et blé offert. C'est de la super farine, ça. Bah évidemment, pour la cuisine, les gâteaux. Ah, les gâteaux. Gourmand. Ah bah, à ce prix-là, je veux. Du 27 septembre au 1er octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat d'un paquet de farine de blé et blé, cœur de blé d'un kilo, le deuxième est offert. Voir conditions dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et je vous rappelle que Bruce Springsteen sort Born to Run, la biographie de Bruce Springsteen. RTL vous propose ses plus grands titres tout au long de la journée, sauf dans cette émission, puisque le crétin que je suis aurait dû le passer au début, il n'a pas eu le temps. Mais il y avait une urgence. J'ai préféré aider ce vieux monsieur que Bruce Springsteen, qui lui, je crois, vit dans de bonnes conditions. Mais en tout cas, tout au long de la journée, avec une émission spéciale ce soir. Comment allez-vous, mon cher Stéphane ? En pleine forme, mon cher Julien, surtout que je suis très bien accompagné pour À la bonne heure ce matin. Oui, nous avons Jeff Panaclog et Jean-Marc. Oui, génial, Voilà. Il y a Jean-Marc qui va dire des horreurs sur vous. Mais il en a déjà dit. On a un problème avec un pare-choc arrière. Oui. J'en ai défoncé un hier soir, je te raconte pas l'histoire. Hein. Là, en fait, ce qui est dommage, c'est que comme c'est le meilleur ventriloque de France, mais à la radio, on se demande si c'est pas vous qui êtes en train de faire la voix, Stéphane. Non, tout le monde sait que c'est pas moi. Il est extraordinaire. Un gros bisou, Jeff Panaclock, le meilleur ventriloque de France est chez Stéphane Bern. Oui, exactement. Et nous, on se retrouve demain matin. What's the sense in sharing this one and only life? Il est 11h. L'information sur RTL, c'est avec Marie Guerrier de nouveau. Rebonjour Marie. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Le ministère de la Santé lance une nouvelle campagne d'information sur les médicaments génériques. En France, seulement 30% des médicaments écoulés sont des génériques, alors qu'en Allemagne, c'est 70% des médicaments remboursables. Nous ne sommes donc pas encore totalement convertis, peut-être par manque de connaissances sur ces médicaments ou par manque de confiance. Un générique coûte moins cher, c'est autant d'économies pour la sécurité sociale, d'où et bien sûr cette nouvelle campagne. RTL vous pose la question, faites-vous confiance aux médicaments génériques ? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et vous pourrez en discuter avec Christelle Robière et Vincent Parisot dans RTL Midi en appelant tout à l'heure le 3210. L'actualité du jour est notamment marquée par la grande mobilisation des salariés d'Alstom. Ces jours de grève et de manifestation, quelques 300 ouvriers de l'usine de Belfort et leurs familles sont arrivés à Paris à bord d'un TGV spécialement affrété par l'intersyndicale et les collectivités locales. Un rassemblement est prévu devant le siège d'Alstom à Saint-Ouen, au nord de Paris. Cette manifestation, explique la CGT, c'est pour se faire entendre et dire qu'on n'est pas mort, qu'ils ne vont pas nous jeter comme ça. L'avenir de l'usine de Belfort est en jeu, mais les salariés se posent des questions sur la situation de tout le groupe ferroviaire Alstom. La direction devrait recevoir une délégation de salariés en fin de matinée. C'est une nouvelle journée pour l'emploi sur le site internet rtlemploi.fr. Les offres sont axées cette fois-ci sur le secteur automobile à la veille de l'ouverture du mondial de l'auto. 2500 offres à consulter. Après le vol d'armes sur la base de l'armée de l'air d'Istres dans les Bouches-du-Rhône, les quatre suspects, dont un caporal-chef, ont été mis en examen et écroués. Les trois autres personnes sont des proches de ce militaire, dont une femme. Au cours de leurs auditions, trois des quatre suspects ont reconnu leur participation au vol. Certaines armes volées sont d'ores et déjà rendues inutilisables grâce aux pièces de sécurité retrouvées pendant les perquisitions par les enquêteurs spécialisés de la gendarmerie. Il n'y aura pas de grande mosquée à Marseille, en tout cas pas à court terme. Le projet lancé il y a plus de 10 ans est abandonné. La mairie de Marseille va résilier le bail sur terrain sur lequel la mosquée devait être construite parce qu'il y a un problème de financement. Le bail avait été consenti à l'association La Mosquée de Marseille, mais elle n'aurait pas rempli ses obligations, notamment de paiement de loyer. Et ce terrain est à l'abandon. Le bâtiment qui s'y trouve destiné à la destruction n'est toujours pas rasé. La météo du jour, c'est du soleil en général. Alors deux exceptions, l'extrême ouest et l'extrême est, où le ciel est nuageux avec de rares averses. Quelques exemples de températures au meilleur de la journée. On attend 20 degrés à Mulhouse, 21 à Rouen, 22 à Reims, à Clermont, 22 aussi à Biarritz et Dijon, 23 degrés à Rennes comme à Limoges, 24 à Grenoble, 25 à Montélimar et 27 à Toulon. Les courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 11, le 12, le 6, le 2, l'As, le 10, le 7 et le 14. La dernière minute de Bernard, c'est le 14 pour toi Marco. Et Bernard Glass vous a indiqué le quartet d'hier dans le désordre. Il est 11h04, vous êtes sur RTL, c'est à la bonne heure qui commence bien sûr avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie, et on vous retrouve Marie Guerrier à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Mais nous nous plongeons à la bonne heure avec non pas un mais deux invités. Nous avons Jeff Panacloc et Jean-Marc. Bonjour, bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour Jean-Marc. On va, avant de vous présenter, je vous présente toute la joyeuse équipe. Le mardi, bien, Elie Semoun sera avec nous juste après le journal de midi. Non, tu déconnes. Ouais, c'est vrai. Pour son canular téléphonique, c'est une petite annonce. Et puis après, il appelle et il fait un canular. Allô, Elie. Merci de nous expliquer. Ben oui, c'est ça, un canular téléphonique. Je vous annonce un dialogue de sourds à mourir de rire. À la une, une femme extrêmement sympathique, mais qui a en elle une marionnette qui se met en colère systématiquement tous les mardis à 11h20. C'est Joëlle Goron. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous nous aviez parlé de votre bouchère, elle a changé de crèmerie, vous nous parlez de votre boulangère. Mais bien sûr, je vais faire le tour du quartier comme ça. C'est bien, vous avez des ristournes.